Hello. Bonsoir. Alors, Bonsoir. bonsoir Caradoc. Oui, du live avec un micro réglé, t'entends ça? Truc de dingue. Coucou Cré-Cré, coucou Gospi et coucou Johan. Là, je me vois pas sur le live. Oh là là, mais il a encore fait des Mais trucs Faro, là. ouais. Bah, moi, Ouais. je. A priori, les gens sont sur le live. J'essaie de voir De si. tous les coups, il aime pas qu'on soit tous les deux sur l'URL, hein. Il avait dit de jouer qu'il fallait pas faire ça. Ah, Bah, on avait vu avec ça le même s'était bien URL. passé la dernière fois, il me semble, non? Vous avez pas eu de Bah moi soucis? j'ai vu que il y avait pendant moins 3 quarts d'heure, moi on me voit pas en fait. Il y a un écran vide. L'écran noir. Écran noir. Bah après le problème c'est comment tu gères parce que vu que tes webcams elles sont les webcams sont utilisées pour grid femme Ah, tu peux pas les utiliser ailleurs, hein. bah Ah, ouais dis donc donc, mais non, t'es je... obligé de passer comme ça si tu veux faire Le multi, ouais. le multi ouais t'as pas le choix en fait. Bon après là a priori ça a l'air d'être bon au niveau de la fluidité. Vous êtes fluide, je suis fluide. Tout va bien. Là. Je suis fluide, tu es fluide. Alors, par contre, moi C'était. j'avais un petit souci avec mes pistes audio. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez les gens sur le live là, à part moi. Est-ce que vous entendez le Discord ou la musique? Alors. Ah ouais, chez toi, à qui on voit même pas le chat de Ghosted ni Oui, Faro en fait. bah oui. Je sais bien. On est là, hein, je sais Ah pas ce ouais, qu'ils mais. nous rendent. Ils nous rendent vraiment pas la C'est chelou quand même. communication. Salut Katsugan. C'est un problème hyper Oh, spécifique. Katsu! Alors Katsu nous dit bien le bonsoir, on entend la musique. Mais alors du coup, en fait moi on entend la musique sur la petite pause, mais je pense que c'est plus sur le sur la Le live sur de Haki. la sur Je le live vais de mettre la Haki en musique à fait qui hauteur, pose la sûrement. question. Bah ouais, c'était chez moi que je Comme on est en posais. multistream, Donc pour l'instant, aucun des viewers de chez Haki n'a répondu. Donc, est-ce que vous J'envoie la m'entendez? musique chez toi. À Attends, l'aide! j'envoie la musique chez Bon, toi. je coupe le son Attends, de bah, tes Katsu peurs va pour que je vais checker. écouter. Bouge pas Chut. trop, recette, parce que Oh. ça pixelise. Katsu va checker. Oui, on Elle vient chez m'entend, toi checker. Gosfi. Ah, on Pocher, il a la. entend. Ah. Ah, chez toi, je me suis entendu aussi, Aki, sur le live. Par contre, effectivement, ouais, il manque 3 cams. Ouais. J'ai Putain, perdu Gossed en plus maintenant, mais c'est quoi ce bordel? mais depuis tout à l'heure, hein, Gossed. Là, il y a que, comme par hasard, il y a que les frangins. Hein. Ça, je dis rien. Le Ça, son est c'est parce vachement qu'on est des faible blondes hein, vieilles, de tu vois. Discord. Acquis sur ton live, le son de Discord est Ok, vachement bah attends, faible. On a tout fait. Bah, j'ai bien fait d'arriver avant t'énerver. Chut, Putain. s'il vous plaît. Du coup, bah, salut à tous, hein, petit problème technique, hein, bah, c'est les joies du live, hein, comme vous le savez si bien. C'est ça, effectivement. Là, apparemment, j'ai du son aussi sur Twitch, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, c'est un peu du bricolage, vu que nous sommes tous les deux, en fait, les deux lives sont sur le même grid femme. Ce qui peut occasionner des problèmes de stabilité. Alors, c'est au petit bonheur à chance, soit c'était sur le live de la petite pause, ben là, malheureusement, c'est sur le live de Haki. Mais bon, connaissant Haki, je fais C'est bon! confiance. C'est bon! Voilà. Voilà. Y'a tout le monde! Tu vois, j'avais pas de crainte particulière. Comment ça, y'a plus rien, Katsugan? Ah, mais après, il y a peut-être le délai entre le moment où elle te répond et. Monter le son sur Discord. Mais oui, mais j'ai monté le son sur Discord déjà, là, j'ai doublé. J'entends les voix, mais pas de musique. Ah ouais, Oh, là mais là je peux pas, effectivement. je suis au max. Hein. Ah là, ah sur ton live, je vois tout. Acquis, tout est Oui, en. j'ai dit Ça y est, j'ai c'est tout. revenu. Après, chez moi la musique fonctionne. Tout fonctionne. Enfin, au niveau piste, ça va. J'ai pas de soucis. le son aussi de mon côté, à rigueur. Mais je peux pas aller beaucoup plus haut. Bon, après, c'est des musiques. Au cher à la musique et la voix. Bah. Ouais, c'est des musiques qui sont assez faibles de base et aussi en fonction du volume que tu mets sur Watch Together. Je sais pas comment tu le mets. Ouais, non, mais c'est pas ça le souci, c'est que normalement mes pistes sont séparées et que là elles passent sur la même et ça devrait pas. Voilà, c'est ça mon problème. Ah, d'accord. Ouais. Moi j'avais ça en utilisant la même carte son. Enfin, la même piste de la carte son. Et du coup, j'ai comment il s'appelle le truc qui fait des lignes virtuelles. Audio cable. Et je sais pas pourquoi là il le fait plus. Bon, bref. Parce que du coup, moi ce que je fais, c'est que mon son principal, je l'ai mis sur une ligne 1. Le son oui, Discord, c'est pas grave, ils entendent la musique, hein, donc on s'en fiche, on peut commencer. Ah d'accord, donc du coup, on entend tout le monde et on entend la musique alors. Oui. Ah ok, ah, bah, je croyais qu'il y avait. Laquelle, tu peux dire une phrase longue, ça lag, on dirait comment ça, ça lag. Mais non. Après, faut voir s'il n'y a pas. Je refuse. Après, ça se trouve, c'est. Faut voir si. Mais sur Discord même, donc c'est bizarre. Tu lag aussi, quoi. Moi aussi ? On va voir tout le monde bugué, ouais. Pourtant, Discord, il est bon là, pourtant. Il y a comme un son robotique parfois quand tu parles, mais pas pour les autres. Ouais, là j'ai des bugs chez Haki. Oh. Ça va me gonfler. Ah, les joies du live. C'est écoutable ou pas ? Ça coupait un moment, quoi. Ça coupait un moment, donc ça coupe plus. Et on dirait un problème de co. Je vais ouvrir. Il y a des micro-cuts, mais c'est regardable, on est... Voilà. Live, mettre 4G. Après, est-ce que les micro-cuts ne viendraient pas aussi de... Oui, j'ai vu que de ton côté, t'avais dû mettre le son à fond pour entendre les autres, hein. J'avais déjà lu le chat. Mais je peux pas mettre plus. Ah là là, les joies du direct. C'est ça. Bon, sinon, est-ce que vous allez bien, les gens ? Nickel. Est-ce que votre début de week-end se passe bien ? Ah bah moi, il a déjà commencé depuis le confinement. Hein. J'ai fait passer la journée à geeker, là, pour le malheureusement. Coup. Ok. Et les gens les viewers, est-ce que ça va pour vous ? Est-ce que vous allez bien ? Attends, du coup, je sais pas comment mettre mon micro. Est-ce que je le mets comme ça ? Ah, je vais le mettre comme ça, parce que je vois bien, et je pense qu'on m'entend. Donc, il est bien placé. Oh, on t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez mieux, là, ou pas ? Ouais, mais on te voit plus. On t'entend, mais je te vois plus, là. J'ai changé de connexion, en fait. J'étais pas sur la bonne co. Je sais pas pourquoi il m'a mis sur l'autre. Ah, alors t'as deux connexions. Ouais, j'ai deux box. Oh là là là là, la bruge. C'est du comment dire, un truc de pirate. Enfin, ce qu'elle ne dit pas, c'est que, à mon avis, c'est aussi une hackeuse. Ouais, ouais. C'est ça. Emma, tu prends trop le pas sur Haki. Donc ouais, apparemment c'est bon que là tu robotises plus. Ouais. Non mais c'est normal puisque du coup si j'étais avec la coaxiale j'avais que 5 mégas en upload au lieu des 100 et quelques. Et puis ben forcément, vu que j'envoie du lourd au live, et ben voilà. Voilà. Ce qui peut expliquer Après, aussi pourquoi Grid Femme. comme dit, je sais pas pourquoi, mais le son est vachement faible. Mais si tu dis que t'as jamais tout mis à fond, c'est bizarre. Bah ouais. Et moi, j'entendais pas de zik hein, sur le live. Mais oui, mais comme en fait c'est sur La même piste, la ouais, même donc. piste, je peux pas monter plus parce que sinon Sinon, ça on va nous même vous entendra couvrir en plus. fait. C'est Oh, ça? ouais. Là, j'ai coupé de toute façon la musique, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, c'est là que c'est normal si vous n'entendez plus rien. Oui, mais avant, ça fait un moment que Musique est j'ai toujours coupé. Courage tous les deux. Ah, Et merci, je me la pète pas 4Fantasy42 avec pour le mes deux follow. box, hein, je suis comme un pigeon, je paye deux fois. Hein. Mais tu peux pas résilier celle qui est moins bien? Je suis engagée. Ah, je comprends Jusqu'au combien de mois temps? prochain. Ah, Ah. bah ça va, après tu seras tranquille. C'est ça. Ah Il marche ouais. sur Activision ou pas? Là, Y a pas de musique seulement. j'ai mis pause. D'accord. J'ai mis pause, c'est normal, tout va bien. Donc là, en fait, bon, on va essayer de un peu commencer. Il est 20. Donc, hop, je remets un peu de tic. Essayer de se remettre dans le bain. Bienvenue, 4 Fantastique 42. Alors, 4 Fantasy, pas Fantastique. Allez, 4 Fantasy. Fantasy 42. Du coup, on va essayer de résumer assez rapidement ce qui s'est passé à la session précédente. Vous avez donc été appelé pour un homicide qui se passait dans le métro d'Enfer-aux-Chevreaux. Et c'était du coup un homme de renom, assez connu, puisque ce n'était autre que Francis Baron, un épidémiologiste pardon, mondialement connu, que vous avez retrouvé dans un état assez catastrophique, puisque on lui a enlevé le cerveau, de fort belle manière, soit. Et. Pardon? Il n'y avait plus aucune goutte de sang, c'est aussi, je crois. Oui, exsangue, complètement exsangue. Mais voilà, on vous a laissé quelques cadeaux, notamment une petite clé. Deux Petite petites clés. clé. Une petite Enfin, clé, oui. vous avez, parce qu'il y a eu le deuxième homicide. Aussi des bourgeons de cyprès. Vous avez enquêté. Pour le premier homicide, en tout cas. Vous avez fait preuve de. Je vais pas dire de chance, puisque les dés ont parlé. Mais. Vous avez été plutôt efficace en ce qui concerne. Eh bien, les catacombes, puisque vous avez décelé qu'a priori. Là où les personnes. Qui ont fait cela sont sûrement passées par là. Seulement, voilà, c'est. Un vrai casse-tête. Alors comment ont-ils pu emmener ces corps, qui, même s'ils étaient exsangues, donc beaucoup moins lourds, bah, c'est quand même voilà, il y a un dénivelé de, je sais plus, une dizaine de mètres, pouvoir porter ce corps, l'emmener jusque-là, sans laisser de traces réellement. C'est plutôt une épreuve de, enfin, quelque chose de plutôt assez impressionnant. Vous avez également été enquêté sur à l'appartement de Francis Baron et Fab a découvert qu'il y avait peut-être une petite relation extra-conjugale avec la Catherine Balin, soit. L'assistante. L'assistante Il n'a pas exactement fait que de ça là-bas aussi, hein. Francis Baron. Non, mais on va pas nommer ce que j'ai fait aux... Oui, tu as eu de bons réflexes de pédagogue Oui, on va dire ça, oui. envers sa maîtresse, son assistante et sa femme, on va dire. J'étais très humain, on va dire. Très ouvert d'esprit. Vous avez également essayé enquêter sur, enfin de mettre un peu plus de jour sur ces bourgeons de cyprès qui, a priori, veulent dire, enfin, ont une symbolique d'éternité. les clés où étaient écrits en latin deux mots. Le premier qui était conitionis, qui veut dire la connaissance. Et le deuxième, du coup, puisque la deuxième clé, perspicax, qui est la clairvoyance. Vous avez interrogé sa femme et l'assistante, sans rien réellement trouver de bien probant, mis à part que oui, il travaillait énormément, il passait énormément de temps au labo pour essayer de d'améliorer son vaccin, mais rien de plus. Au niveau du médecin légiste, effectivement, vous avez vu juste, il a été sédaté. Enfin, on l'a endormi parce qu'on a trouvé sur lui des différentes traces de piqûres, qui a fait que cette personne n'a pas souffert en soi parce que quasiment tout le temps elle a été endormie. Pas de marque de lutte. Simplement, à différents endroits du corps, comme quoi on l'a attaché pour pas qu'il bouge, mais sans plus. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'essaie de tout me rappeler. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas. Hein, parce que j'essaie le premier corps, du coup, celui de Francis Baron, n'avait plus de cerveau. Le second corps, donc qui était la voyante, n'avait plus Dieu. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'est quand même des informations assez essentielles. Pour le cerveau, je l'avais dit, mais j'avais pas encore effectivement parlé de la deuxième victime. T'as déjà parlé de la deuxième clé, ouais. Ouais, parce que vous avez évoqué la deuxième avant même que j'ai eu le temps de parler du reste. Donc, du coup, j'ai parlé des deux. Mais soit c'est vrai. Avec c'est aussi, vrai. Comme par exemple sur le deuxième cadavre, une petite note un peu personnelle à l'attention de Flo. Et oui, j'allais terminer là-dessus, mais tu fais bien de le dire. Donc, pour en venir juste sur le corps de la deuxième victime, qui est du coup, selon toute vraisemblance, le corps de Katia Midoskaya, qui est une médium assez connue, qui d'ailleurs s'était proposé, vous le savez, pour enquêter jusqu'où sur la disparition de ce Francis Baron. Et donc, effectivement, elle n'avait plus Dieu. Elle était elle aussi exsangue. Elle aussi, dans... Alors, je crois que c'était dans la bouche ou dans les yeux, on l'a retrouvé cette clé qui était donc écrite... clairvoyance en latin, et également un autre bourgeon de cyprès. Vous avez du coup continué à essayer de voir s'il y avait une relation avec les catacombes. Vous avez trouvé un espace, je crois, mais vous n'avez pas forcément eu le temps pour l'instant de vous pencher là-dessus. Et au moment où justement Flo tombe pendant qu'il cherchait diverses peut-être indices sur le quai, il tombe sur une note pliée de façon assez méthodique sur cette note une note qui lui est adressée personnellement. Comment va alors j'ai oublié son nom. Madame Chambé, exactement, merci. Ce qui t'a énormément perturbé, mon cher Flo. Donc vous l'avez retrouvé, vous avez retrouvé Flo dans un état assez... J'étais bof, bof, assis quoi. En fait, tremblotant. Avec une couverture retrouvé, sur les épaules. Et je leur avais tendu la note. Et leur avais expliqué... ce que ça voulait dire que... Exactement. Que ça m'était adressé. Et nous étions Nous nous étions donc arrêtés là. Sur les quais de ce... De cette station, par métro, contre, métro Montparnasse. Bienvenue, exactement. Merci à toi, Emma. La première station de métro, c'était... D'Enfer-Rochereau. D'Enfer-Rochereau, oui. C'est une vraie station qui existe ou... Pardon ? Hein ? C'est une vraie station qui existe ou... Ah bah bien oui. sûr, évidemment, je non, m'ai appris. De... c'est la ligne... sur la ligne 4, d'ailleurs, c'est un petit détail que... Mais c'est également sur la même ligne de métro. Ouais, c'est sur la même ligne, hein, justement. Sur la même ligne. Je voulais voir un plan, justement, du métro, déjà par moi-même. En train de chercher sur Internet par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. Même pas besoin de chercher sur Internet, je pense que t'as, dans tous les métros, je pense que tu dois avoir une carte au mur. Oui, mais, là, c'est le joueur qui parle. Voilà, là, c'est le joueur qui parle. C'est pas Flo qui parle, c'est le joueur. Flo, je pense que le personnage, lui, sait que c'est la même ligne. C'est ça. Le joueur, non. Vous êtes en région parisienne, vous connaissez un tant soit peu le métro, évidemment. Voilà, le joueur, je peux imaginer que vous n'êtes pas de Paris. Donc tu m'as dit... D'Enfer-Rochereau et Montparnasse, bienvenue. T'as pas entendu à qui ? Je disais, c'est aussi deux stations sur la ligne 6 aussi. Ah oui, les deux sont aussi sur la ligne 6. C'est vrai. Deux lignes. Ouais, deux stations qui les séparent. C'est ça. Donc la prochaine sera à Porte d'Orléans. Écoute, essaie de placer des micros, des caméras en plus. Je sais pas. Ouais, par... Tu peux, hein. On va emmener les mecs là-bas pour faire au cas où. En tout cas, voilà. En l'état, ce qui s'est déroulé. Après, je sais que. Après, j'avoue qu'il s'est passé quelques jours depuis la première session, mais il me semblait que vous m'aviez demandé d'essayer de préciser deux trois trucs qui s'étaient passés pendant le gap de temps, puisque entre le moment où du premier homicide et celui où vous retrouvez justement Katia Minovskaya, il se passe plusieurs jours puisque nous sommes nous sommes le 20 décembre, à savoir vous avez retrouvé le corps de Francis le 7. Ah oui. Oui, il s'est passé beaucoup de jours en fait, mais voilà, mais c'est vrai que a piétiné. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu vraiment, enfin. Ce qui vous a aussi un peu bloqué pendant ce temps-là, c'est que vous êtes vachement axé sur la bonne intuition des catacombes, mais que on est en décembre, au niveau du temps, c'est pas ouf, il y a des pluies, c'est très pluvieux ou que ce soit de la neige, et au niveau du côté pratique et sécuritaire d'aller dans les catacombes, c'est très compliqué. Surtout que voilà les professionnels que vous avez eus, les spéléologues que vous avez rencontrés, essayent de vous faire une descente, mais en sécurité maximum. Et ça a été quand même pas mal difficile de mettre ça en place. Et au moment où ça pouvait a priori se faire, vous tombez du coup sur il y a le deuxième homicide qui tombe, voilà. Mais c'est vrai qu'il me semblait qu'on avait discuté de ça après, vu que j'avais été assez On n'avait pas compris en fait, c'était voilà. Voilà, mais bon, j'avais été assez rapido dans les trucs, un peu trop. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'on devait peut-être éclaircir sur le gap, peut-être des données que vous attendiez, ou que ce soit sur le rapport de légiste ou autre, quoi, sur la clé, sur sur voilà. Bah ouais, bah surtout Emma et Fab, hein, je pense, qui ont fait des investigations là-dessus, hein. Tout ce qu'on avait analysé là, on avait une liste. Du coup, en ce qui concerne la clé, alors il me semblait que j'en avais un petit peu parlé. En gros, c'était une clé assez ancienne. Alors, difficile à dater, mais selon la datation carbone et le travail de l'outil, en fait, le travail de l'artisan, de la façon dont c'est fait, il semblerait que ce soit de type Moyen-Âge. Alors, c'est vrai, c'est une très longue période, donc c'est difficile à... Mais ce serait peut-être... 13e siècle, 14. Ah, vieux. C'est assez vieux. Vous êtes tombé également, il me semble, sur des articles qui vous parlaient d'une certaine secte ou d'un truc dans ce genre, oui. Il me semble que vous êtes tombé là-dessus. Oui. Sur congrégation de savants. Voilà, une congrégation. Des conférences sur l'immortalité, tout ça. Voilà. Ah, oui. Il y avait ça aussi sur lequel vous êtes tombé. Alors, vous êtes. Enfin, je sais pas comment vous traitez l'information, si c'est quelque chose de pour l'instant pertinent pour vous ou abstrait. Oui, c'est par rapport au symbole, en fait, c'est ça qu'il y avait sur la clé. C'est, ça, c'est ça. C'est par rapport au symbole que vous aviez sur la clé. Bah, est-ce que. Je pense que les recherches qu'on a pu faire, c'est si Baron faisait partie, par ailleurs, déjà. Est-ce qu'on pouvait rentrer en contact avec ces gens-là? Toutes les pistes doivent être explorées, hein. Mais déjà, je voudrais lister un peu tout ce qu'on avait ramassé à analyser, tout ce qui était aussi les pitons et cordes, etc. Est-ce qu'on a pu récupérer des infos avec ça, savoir d'où ça provenait, pouvoir essayer de au moins le python, de y a peut-être avoir des numéros de série, que, possibilité de retrouver le fabricant et après le vendeur. Tout à fait. Alors effectivement, c'est toi, hein, Emma, hein, qui a travaillé là-dessus. Hein, tu as dans ton petit labo que tu adores. Tu as passé du temps hein, avec ton petit machin là, pour voir super près le microscope, mais en mode CSI, tu vois, à chercher du coup des numéros de série. Et effectivement, sur les pitons, tu trouves des numéros de série qui te ramènent à une société qui est professionnel, enfin qui vend du matériel pour les professionnels, qui se trouve dans le Jura. Okay. La guilde des Montagnards. Alors, voilà. Dans le Jura des Montagnards. La guilde des Montagnards, a priori, c'est un modèle assez couramment utilisé dans le milieu de l'alpinisme, de la spéléo. Et c'est un modèle qui se vend pas mal, qui se vend plutôt bien, qui a un prix conséquent, mais voilà, c'est un matériel de grande qualité. D'ailleurs, les spéléologues vous ont bien dit que c'est du matériel qui coûte assez cher quand même. Ouais. Et du coup, il n'y a pas moyen de remonter plus haut, parce que je m'étais dit que, vu que c'est quand même des choses qui assurent la sécurité, si jamais il y a des défauts de fabrication, ce genre de choses, il y a un suivi assez particulier sur ce genre de vente, en fait. Sûrement. En tout cas, il y a une grande série pour remonter. Alors là, c'est des numéros de série génériques. En gros, c'est des lots. Alors c'est voilà, tu as un python, mais genre c'est pas un python qui sort. Il y a juste un numéro pour chaque python. C'est un lot. C'est grand. T'as je sais pas 30 pitons qui sont dans un lot et ils ont tous le même numéro de ce lot. Mais ça reste quand même un lot. Il peut te si tu donc je suppose que t'as dû les contacter. Oui. Et ils t'ont dit que ce lot a été est sorti d'usine il y a un an et que bon, il a été envoyé dans un magasin, dans un stockage en région parisienne pour être dispatché, vendu. Donc tout le lot est parti, il n'en reste plus. Et voilà. De ce qu'ils en savent, ça a été les derniers sont partis il y a peut-être 3 mois. Ok. Et tous au Voilà. même magasin, du coup. Oui, c'est un stockage. Alors, il n'y Ok. a pas de magasin, la Guilde des Montagnards en région parisienne. Donc, tu te doutes que c'est probablement de la vente via Internet. Il y a de grandes chances. Ouais. Ok, mais il y a moyen de trouver ce vendeur? Bah, via le site, peut-être, enfin, si tu contactes, enfin, vu que tu les as, tu peux peut-être retracer l'ensemble Oh, des moi je veux la pitons, liste de tous tous les les gens qui ont acheteurs acheté. des pitons de cette série, ouais. Ok, ben, bah, en fait, tu as, Faire une liste. on va dire, c'est quoi, je t'avais dit 50 pitons, je crois. On va y avoir, allez, une trentaine d'acheteurs. T'as Ah, une ça va. trentaine Je de prends. personnes. Mais écoute, voilà, tu prends la liste des 30 personnes qui ont acheté. Je vais essayer de te trouver 30 noms. Alors Robert, Joséphine. Oui, mais quand on commence à avoir une liste de noms, déjà, ça Ah peut faire trop mal. oui. Sinon, pour le reste, au niveau du cordage et tout ça, franchement. Je pense que c'est plus compliqué pour avoir. Oui, c'est trop compliqué ça. Au niveau de Oui? la clé, est-ce que tu as fait une analyse au carbone 14 pour voir de combien de temps elle datait exactement? Bah, il a dit 13e, 14e siècle. Hein. D'accord, ok. Du coup, est-ce qu'on a pu avoir un contact via cette truc de scientifique là, cette Cette société? congrégation de savants. Ah, alors Ouais. c'est très obscur. En vrai, quand vous avez regardé sur le net, c'est genre un wiki, mais genre c'est 3 lignes quoi. Enfin, D'accord. c'est très peu renseigné. On n'a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. C'est genre, il fut un temps où il y avait probablement cette congrégation de. Je sens que je vais aller chercher plus en dessous. Lorsqu'on a fouillé chez Baron ou à son bureau, on n'a rien retrouvé qui pourrait le rattacher à ça. Bah, Fab, tu de souvenir, tu n'as rien trouvé qui avait un rapport réel avec l'affaire, Avec mis à l'enquêteur. part, bah, cet adultère. Oui, ce qui en Oui. soi n'est pas vraiment Voilà. Je utile. pense que c'est plus une piste vu le deuxième Non. meurtre. Le deuxième a pas de mobile. Non, Voilà. clairement, c'est pas une piste. Enfin. Par contre, je pense que moi, je me serais un peu plus intéressé à cette histoire de scientifique qui s'intéresserait à la vie immortelle. Même si, pour moi, c'est juste des glandus, mais je m'y serais intéressé quand même un peu. D'ailleurs, vous, à ce moment-là, vous étiez sur le quai. Vous vous êtes un peu éloigné de tout ça pour faire un peu le brief de ça. D'ailleurs, Flo, tu t'es repris un peu Oui, je pense. tu t'es repris, tu t'es remis. Vous avez commencé à poser les faits et le fait de poser les preuves, enfin tous les indices, ça t'a requinqué, ça t'a remis dans le bain. Et vous voyez débouler votre chef. Votre chef, le commissaire Jambon. C'est quoi Après, on va Et voir le ça peut être capitaine facile. va encore nous faire des salades. Ah, mais il existe vraiment le commissaire Jambon. Alors, vous voyez qu'il a une mine, mais hors déconfite. Il arrive avec une démarche assez vénère, hein, un regard de tueur. Il vient dans votre On l'a direction. trouvé, c'est lui. Allez, son regard. Il se plante devant vous. Chef. Écoutez, c'est la merde. On est dans la putain de grosse merde. Bon. Ça a bavé. Hein? Ça a bavé. Ces putains de journalistes sont courants. Allô? Oui. Oui, on t'entend. Hein. D'accord, okay. C'est notre chef, le commissaire Jambon, ou pas? Oui. Oui, c'est le commissaire, oui, c'est le chef. Comme il n'avait pas de nom avant. Bah, ça y est, tu le sais. Ça a bavé. Et les journalistes sont courants. Exactement. Pour M. Baron. Et c'est Baron qui est mort. Et croyez-moi, je me suis pris une putain de soufflante. De quoi? Qu'est-ce qu'ils savent exactement? Ah bah ils savent que c'est lui qu'il a été retrouvé mort, assassiné. Fallait bien que ça c'est arrive pas, hein. C'est pas un simple... voilà, c'est aujourd'hui c'est un assassinat, il est pas juste mort de mort naturelle. C'est déjà pas mal, non, plus d'une semaine sans que ça ait fuité. Non, ouais. C'est sûr, mais bon voilà, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps, et là je viens d'avoir le préfet, qui lui-même a eu le président. Alors croyez-moi, là on est dans la merde parce qu'ils attendent de nous qu'on ait des résultats rapidement. Parce que la presse, et pas que française, la presse mondiale s'en est accaparée. Puisque, comme vous le savez, c'est un vaccin qui se balade maintenant dans le monde. Et il n'y a pas que les Français qui bossent là-dessus. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne rien dire. Vous allez sûrement vous faire emmerder par ces putains de journalistes. S'il vous plaît, ne dites rien. Enfin, voilà, essayez de fuyez. Dès que vous les voyez, vous fuyez. Enfin, mais bon, voilà, il va falloir qu'on essaye de résoudre cette affaire le plus rapidement possible. Je sais que vous avez fait des avancées, vous avez des choses, mais il va falloir aller encore plus vite. Parce que là, si on se démerde pas, il y a des têtes qui vont tomber. Et je vous dis, la première à tomber, c'est la mienne. Mais si je dois tomber, j'emmènerai du monde avec moi, si vous avez compris. Ça va pas tomber, chef. Bon. Ouais. Du coup. Vous avez surtout le voir pour votre place, mais bon. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Vous savez, chef. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça que ça marche. Ouais, bah là, on est en train de perdre du temps pendant que vous nous parlez. En tout cas. Je voudrais que vous fassiez le maximum. Épluchez-moi les coups de fil, tout ce qu'ils ont fait du traçage de téléphone, des trucs comme ça. J'en ai rien à foutre. Il faut qu'on sache où ils étaient, quand ils étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont acheté dans les derniers instants. Faut qu'on, s'ils ont chié aux toilettes de je sais pas où, il faut qu'on sache. Donc je compte sur vous. On y retourne. Ouais. Bon, et une fois qu'il s'en va, et il part tout autant vénère, et voilà, il s'en va. Il craque la porte. Bah non, il y en a pas, parce que... Mais encore sur lequel, là Mais il fait tourner super vite comme ça. Petite question. Oui. Aussi à mes collègues, hein. Les tunnels au niveau du... des catacombes, c'était vers quelle direction qui s'est orienté quand on est parti de Montparnasse? Ah, il venait depuis Saint-Michel. Saint-Michel. Avec les travaux, il pouvait venir que direction Saint-Michel, c'est le RERB. Oui, mais au niveau des catacombes ensuite, la direction. Ah, les catacombes, j'en sais rien. Moi. Non, catacombes, on s'est pas trop informé là-dessus. Hein. Il me semble qu'il y en avait des indications par rapport à ça, sud ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ben, en fait, c'était que au moment dans les catacombes, vous avez suivi un peu des traces de pitons, mais qui se dirigeaient effectivement plus vers... enfin, dans un premier temps, comme si ça partait, ça suivait vers la ligne... vers Saint-Michel, en direction de... Mais après, il y a eu plusieurs ramifications qui sont parties un peu dans tous les sens, et vous avez dû vous arrêter là, parce que c'était impraticable, et vous avez dû rebrousser chemin. Et Saint-Michel, c'est... vers le centre de Paris. Les paléontologues, ils ont pu avancer plus ou pas? Mais il y a aussi station Saint-Michel sur la ligne 4. Ah, Alors c'est, mais du coup, une indication nord, sud, est, ouest, c'est vers où? Saint-Michel, voilà. C'est vers le nord. Ah non. De Montparnasse. J'ai pas pensé à ça. D'accord. Oui. Et les palons, ils ont réussi à continuer ou pas? Les Spéléo? Bah ouais. Les Spéléo, ils bossent d'arrache-pied, enfin, pour vous faire dégager un passage sûr. Là, vous, ils viennent d'être appelés, justement, ils se sont arrêtés parce qu'ils viennent d'être appelés pour ce que vous avez trouvé, donc sur le Montparnasse Bienvenue. Et donc, ils vont essayer de voir si ils peuvent trouver des connexions ou par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, s'il y a moyen de relier un peu tout ça ensemble au niveau des catacombes, qui pourraient commencer à former un pseudo chemin. Donc là, ils sont toujours en travail là. Ah bah oui, ça bosse. Là, ils sont à fond. Hein. Ils sont là-dessous. Okay. Hein. Vous êtes en surface, mais eux. Il est extrêmement doué. Il est même plus doué que les spéléos, putain. De quoi? C'est-à-dire que le mec qui est passé par là est plus doué que les spéléos pour qu'il ait réussi à. Mais après, oui. Non mais oui, non. En fait, son dos, il monte des. Mais ça se trouve, il est pas sale. Hein. Après. Après, ce qu'ils vous ont expliqué un peu par rapport aux catacombes, c'est que les catacombes, c'est très vaste et tout n'a pas été forcément répertorié, découvert. Même tous les jours, ils découvrent de nouvelles galeries, des choses qui n'avaient pas forcément été trouvées. Donc, c'est pas forcément qu'il est meilleur que les spéléos, mais c'est que les spéléos ne connaissent pas toutes les catacombes. Personne ne connaît l'entièreté des catacombes, parce qu'il y a des trucs complètement oubliés que personne n'a connaissance. Apparemment. Non, moi, oui. Je pense que à un moment, il a dû ressortir, donc ouais, il va surtout chercher une sortie, en fait. Bon, je sais pas, moi j'ai commencé à regarder, c'est vrai que, comme je vous ai mis là sur le plan, d'Enfer et Montparnasse, il y a un cimetière. Ouais. J'imagine que ça, peut-être que dans un caveau ou autre, il y a une connexion avec les catacombes. Possible, ouais. C'est pas impossible, mais ça reste un peu léger sans. Mais on n'a pas d'autres preuves. Au niveau des analyses par rapport au nouveau cadavre, faudrait voir si le bourgeon il est au même moment en fait. Ce bourgeon. La même phase de. Même stade. Voilà, c'est ça, au même stade d'évolution. Où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on peut trouver des cyprès dans Paris? Et quand est-ce qu'il bourgeonne, ces cyprès? Vous allez analyser de fond en comble cette note. Il y aura sûrement mes empreintes. Non, j'avais des gants. Et analyser tout. L'encre, le papier, d'où est-ce que ça peut venir, est-ce qu'il y a des empreintes? Est-ce qu'il y a des fibres ou autre? Au niveau des vêtements du deuxième cadavre, c'est aussi des vieux vêtements comme pour Baron. Exactement. Ce sont des vêtements de SDF, enfin déchirés, abîmés. Sur Baron, on n'avait rien trouvé au niveau des vêtements parce que j'imagine qu'ils ont été aussi analysés de fond en comble. Traces, fibres, fluides. Après, on a retrouvé des excréments humains, des déchets organiques qui sont, par exemple, des fruits pourris, de la terre, ce qu'on pourrait trouver sur des vêtements qui appartiendraient à un SDF, en fait. Faudrait peut-être regarder s'il n'y a pas eu justement des SDF qui sont morts, qui ont été retrouvés morts, en tout cas de manière bizarre, ces derniers temps. Et est-ce qu'elle avait de la terre genre sous les ongles et tout, comme si elle avait essayé de gratter? Ah, tu parles par rapport à Katia Midovskaya? Les deux en fait, mais... Non, en fait, ce que vous aviez déjà remarqué avec Francis Baron la première fois, c'est qu'il n'avait aucune marque de lutte ou de tentative de quelque chose. Son corps était parfaitement clean. Oui. propre. Et vous remarquez à peu près, bon voilà, le corps est encore sur le quai, mais vous remarquez exactement la même chose. Alors, en ce qui concerne Katia Milovskaya, elle n'a pas de marque de blessure, de combat, quoi que ce soit. Okay. Simplement, peut-être au poignet et aux chevilles, on lui aurait a priori attaché pour pas qu'elle ne bouge. Et les mêmes entailles au niveau des poignets et des chevilles pour a priori la saigner, quoi. Ouais, bah moi je pense que de mon côté je vais regarder en fait les derniers morts de SDF qu'il y a pu avoir. Au départ, en fin de compte, bah dans cet arrondissement, puis je vais étendre mes recherches au fur et à mesure. Je pense que je vais me concentrer là-dessus pour essayer de retrouver d'où peuvent venir ces vêtements. D'accord, bah du coup pour ça, il faudra que tu te rendes au commissariat pour pouvoir éplucher via la base de données. Voilà, ça, pour l'instant, c'est sur quoi je vais m'orienter. D'accord. Moi, je peux pour les autres. Alors, au niveau des autres. J'avais pensé à un petit truc, c'est que. Bah, si on a effectivement affaire à un tueur en série et qu'il a l'air d'avoir un modèle assez précis, en l'occurrence, il y a une disparition d'une semaine entre le moment où. Enfin, avant qu'on leur trouve la personne morte, voir s'il n'y a pas de disparition qui ont été annoncées et voir s'il n'y a pas moyen de trouver un profil type qui correspondrait à la possible prochaine victime. Un rapport entre les victimes. Tu pourras trouver ça au même endroit que Flo, donc j'imagine que vous irez ensemble. Oui, bah oui, je pense que c'est rien pour ça. Voilà, ça va être quelque chose de relativement lié. Oui, voilà. On va bosser ensemble. Mm. Et toi, Fab? Bah moi, je vais me focaliser sur la lettre que Flo a découvert, essayer de découvrir tout sur la personne qui l'a écrite. Ok. Ouais, que ce soit l'encre, le style d'écriture. De l'autre côté, cette fameuse secte, entre guillemets, d'immortels. Ouais, mais je vais t'étendre là-dessus, ouais. Tu peux regarder s'il y a des conférences, parce que du coup, ils se disent qu'il y a des conférences. Ouais, justement, mais c'est pas parce qu'ils ont un site ou quoi. Facebook. Tout à fait. Et toi, donc, Emma? Alors, plein de choses. Plein de choses. Déjà, comme le chef l'a dit, j'ai essayé de retracer tous leurs itinéraires, au moins sur la dernière semaine avant leur disparition. Donc, comme on n'a pas retrouvé leur téléphone portable, je vais essayer de voir avec les opérateurs machin pour avoir ce qu'il faut. Je pense qu'ils doivent avoir des comptes Apple ou Android avec Google, avec lié à Google Maps, etc. Données personnelles. Voilà. Oui, ça, il y a pas de problème parce que ça, tu auras parce qu'il normalement il faut un mandat pour pouvoir faire ça. Et vous l'aurez. Non, mais vous l'aurez à 100. Voilà. Voilà. Donc, ça déjà. L'application Stop Covid. Du coup, simplement, elle est passée. Il doit sûrement s'en servir. Ouais. C'est sûr qu'il l'avait. Donc pareil niveau carte bancaire, etc. Je vais essayer de retracer tout ça. J'ai trouvé concernant le cyprès. Alors justement, on en revient au cimetière parce qu'on le plante souvent dans les jardins, les cimetières. Voilà. Et certains spécimens seraient âgés de plus de 2000 ans. Donc immortalité, tout ça, on en reparle. Ouais. Et les Égyptiens utilisaient son bois pour fabriquer des sarcophages, donc liés à la mort encore. D'accord, ouais. Voilà, donc ça j'ai réussi à trouver ça comme info. Sinon, je vais aussi essayer de me renseigner avec mes petits contacts un petit peu moins légaux, voir s'il y a moyen de trouver des infos sur cette fameuse secte. Ok. Voilà. C'est peut-être con, mais ouais, essayer de voir déjà dans le cimetière de Montparnasse. Parce que je pense qu'on est capable en fait de faire de retrouver le génome du cyprès et donc essayer de voir déjà si c'est le même génome. Si c'est possible. C'est possible. Si, ouais. Ouais. Et donc savoir déjà s'ils viennent du même arbre. Ouais. Ces deux-là. Ça marche. Ouais. Ok. Donc là, il y a du boulot. Il y a de quoi faire. Alors. Oh, oui. Qui c'est que je vais. Et j'affiche la liste sur notre tableau. La liste des gens ouais. que j'ai réussi à avoir pour le Python. Alors, hop, je vais voir qui c'est qui va être. On aurait dû faire un Miro. Qui c'est qui va être. Encore un Hop. Ok. Alors. Arthur. Yes. On commence avec toi. Donc, vous vous rendez, du coup, Flo et toi, au commissariat pour, regarder un petit peu. Tous ces dossiers qui pourraient être intéressants pour vous. Tu fais du café. Je vous ai pris des cafés. Voilà. Vous avez pris du café, voilà. Ça tombe bien, votre bureau est quasiment l'un en face de l'autre. Donc vous faites face, il n'y a que vos écrans qui vous cachent l'un de l'autre. On se fait des petites blagues. Ouais, on se fait des Et donc tu lances tes recherches. Alors je te laisse me dire exactement ce que tu veux chercher de façon assez précise, s'il te plaît. Alors, du coup, j'essaie de me baser un peu sur ce qu'on pense être un mode opératoire, c'est-à-dire que la première victime, c'était quelqu'un qui était connu pour ses connaissances, en l'occurrence qui faisait beaucoup de recherches sur le futur vaccin. Donc quelqu'un qu'on peut forcément imaginer comme étant extrêmement intelligente, son cerveau a disparu. La deuxième personne, c'était une médium, donc une capacité quelque part qui est reliée à ses yeux. Mm-hmm. Ses yeux ont disparu, du coup je veux voir si dans le registre des disparitions, s'il n'y a pas des gens qui, je sais pas, un musicien qui aurait l'air absolu, ou quelqu'un qui est très connu, beaucoup, qui est connu pour le chant, enfin plein de choses comme ça en fait, des personnes qui ont voilà, qui sont connues pour avoir un sens un peu plus développé que les autres, quelque chose comme ça. Ok. Alors, hop. Arthur. Tu vas me faire un jet en recherche, s'il te plaît. J'ai plus du tout ma fiche, je sais pas où est-ce qu'elle est, donc je te fais confiance. Bon, tu as 50 en recherche. Je te laisse faire un des 100. Et là, c'est 45, c'est réussi. Ok, 45. Eh bien, tu cherches, ça te prend peu de temps en fait, parce que tu vas directement sur les dossiers des disparitions. Alors, tu veux des disparitions récentes ou, sur quelle tranche de... Vu qu'il s'est écoulé une semaine entre la disparition, en l'occurrence de Baron, et le fait qu'on l'ait retrouvé sans tête, sans cerveau. J'irais bien chercher sur ce qui est peut-être vieux de 2 semaines, 1 mois maximum. Ok, bah, du coup tu cherches cette tranche-là. Tu trouves pas mal de disparitions, a priori de personnes lambda, pas forcément connues, des jeunes, des adolescents, des enfants malheureusement, quelques adultes. Effectivement, mais tu vois que les noms qui ressortent et sont pas forcément des noms qui sont célèbres ou un peu célèbres. Après, voilà, il y aurait peut-être quelques noms, quelques musiciens, comme tu l'as dit, mais c'est des gens qui sont enfin des musiciens comme ça lambda quoi. Bah pour l'instant voilà pour l'instant de ce que t'en as, il n'y a pas de nom flagrant comme ça qui te saute aux yeux quoi. C'est vraiment des gens que tu connais pas clairement. Après il y en a hein, mais c'est pas des gens que tu connais. Après, peut-être qu'ils sont pas encore disparus, on sait pas, ils ont pas encore été enlevés. Peut-être. Dans ce cas-là, je vais faire une autre recherche à côté. Mm-hmm. Si tu me laisses avant de passer à mon tour. Je te laisse, vas-y. Qui va être de chercher du coup des personnes qui seraient sur Paris mm-hmm. et qui du coup qui correspondraient aussi à ces critères de recherche-là, c'est-à-dire des personnes qui ont qui ont des talents un peu particuliers, liés au sens, liés au... je sais pas, un truc comme ça. Du coup, sur le... ouais, donc la vue, l'ouïe, le goût, tout ça, enfin... La vue, plus vraiment, puisque visiblement quelqu'un s'est fait arracher les yeux dans l'histoire. Mais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'oreille absolue, un chanteur, une chanteuse émérite. Un musicien, ouais. Bah, le musicos, tu as, enfin, par rapport au musicien, ta recherche, c'est celle que je t'ai donnée, c'est que ta recherche comprend Paris. Hein. Il y avait pas, enfin, tu m'as pas forcément dit la région parisienne. Je cherchais dans les registres de disparition, je cherchais quelqu'un qui était déjà disparu. Et là, je cherche sur les gens qui sont ici sur place. Ah. Correspondre à ces critères, du coup, j'ai détendu un peu ma recherche pour essayer de. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Autant pour moi. Si je les trouve pas dans les registres de recherche, ça veut dire sûrement. Bah... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas encore disparu, et dans ces cas-là, on a moyen de les protéger avant qu'ils se fassent enlever. Bah, sur Paris, effectivement, tu vas trouver masse de gens célèbres qui ont des talents certains, dans, par exemple, dans la musique. Tu sais qu'il y a des gens qui possèdent l'oreille absolue, des musiciens de classique par exemple, pianistes célèbres, des chanteurs. Paris regorge de ce genre de talents. Tu sais qu'à l'opéra, à l'opéra ou l'opéra Garnier, l'opéra de Bastille, ce genre d'artistes, tu les trouveras. Il y a aussi, par exemple, des grands cuisiniers qui ont le palais divin, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais qui ont des l'essence en fait très développée. J'ai essayé de monter des équipes, je vais voir avec les policiers qui sont encore disponibles pour surveiller. Donc ouais, en priorité, je pense, enfin, l'oreille absolue, je pense beaucoup chez les pianistes, je pense. Oui, effectivement. Les violonistes aussi, je crois. Ouais, bah, je vais essayer de monter des équipes de surveillance sur ces gens-là. D'accord. De manière assez discrète, en filature, quoi. Je sais pas si c'est tout à fait légal, mais en soi, je m'en fous un peu. Et ouais, voilà, essayer de voir ce qui est disponible. Alors je sais pas, tu vas me dire sûrement le nombre de personnes que je peux surveiller et voir des priorités, mais... Bah écoute, tu vas me faire un jet de chance. Un jet de chance, ok. Ouais, et c'est moi qui te dirai en fonction de ce que t'as fait si t'as réussi ou pas. 91. Ok, alors malheureusement, tu appelles ton... Le commissaire Jambon, qui te dit que les effectifs sont assez réduits en ce moment, il pourra t'allouer quelques hommes, quelques personnes, mais pas des masses. Faudra composer avec 5 ou 6 agents pour suivre l'ensemble de tes personnes, parce que il y a plusieurs affaires, pas forcément que la vôtre. Et les agents aussi qui sont réquisitionnés pour. Je vais essayer de faire. Je vais leur demander de prendre des filatures en solo et de faire deux personnes entre guillemets par sens. Donc je vais essayer de faire deux musiciens, deux chanteurs et deux. D'accord. Célèbres. D'accord, tu leur donnes la liste. Chabest, je sais pas. Ouais, tu leur donnes la liste, ils partent direct dès qu'ils ont les noms, ils y vont. Ils te feront un topo assez régulièrement. Tu veux qu'ils t'appellent tous les jours ou tu veux qu'ils fassent ça comment? Ah ouais, là je veux les moindres faits, je veux des rapports quotidiens. D'accord. Ils feront ça, il n'y a pas de problème. Du coup, Flo, tu es en face, tu vois Arthur qui se démène. Bon, tu vois à un moment donné que Arthur est dépité au moment de raccrocher son coup de fil avec le commissaire. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais bon, ça se démène quand même de son côté et du tien. Alors, comment ça se passe? Bah, comme dit, moi je fais des recherches par rapport aux morts, SDF. Donc, dans un premier temps, je crois que c'est le 14e arrondissement, hein, si j'ai pas de bêtises. Là où on a retrouvé les deux corps à peu près. Hein. Oui. Et si jamais je fais chou blanc, je vais étendre la zone au fur et à mesure. Et voilà, mon objectif est essayer de retrouver d'où pourraient venir ces vêtements. Bah tu vas me faire un jet de recherche également. Je vais faire ça. Et je fais 59, je crois que c'est un échec de 9. C'est ça, j'ai 50. C'est ça. Tu as une liste assez peu remplie en fait. Le problème de ça, c'est que les SDF, malheureusement, ça reste des SDF. La police est quand même pas super. Pointilleuse sur ce genre de décès. Oui, mais à ce moment-là, je remonte dans les certificats de décès, ce genre de choses. D'accord. J'appelle les hôpitaux, les morgues. D'accord. Enfin, en tout cas, au niveau du registre de la police, tu trouves pas grand-chose. Mais comme tu le dis, tu cherches pour le coup dans d'autres registres, un peu plus larges, un peu plus que ce soit les hôpitaux, parce que là, tu sais que t'auras plus de. Et là, tu trouves pas mal de choses. Disons que y a beaucoup de SDF qui sont morts de froid. Mmh. Hein, clairement, il y a pas eu de violence, il y a pas eu ils font des autopsies quand ils ont vraiment un doute, mais il y en a c'est clairement ils sont morts de froid. T'en as qui sont morts d'overdose. D'autres, c'est l'alcool qui les a tués complètement malades de l'intérieur. Après, il y a quelques cas, effectivement, de SDF qui ont été retrouvés, a priori, tués. Alors, tu sais que c'est des choses qui arrivent, des rixes entre SDF qui se veulent se piquer les trucs des uns les autres. Donc, c'est des coups de couteau, c'est. Des étranglements, des crânes brisés, enfin, des trucs assez sales. On a pas trouvé de sang sur les vêtements. C'est ça. Après. Mais par contre, est-ce qu'on en a pas retrouvé justement qui était peu habillé? Eh bien, tu vas me faire un jet de search encore une fois, s'il te plaît. Huit. Oh, joli. Dans toute cette liste, il y a beaucoup de rien. C'est pas intéressant. Mais au fur et à mesure que tu passes, ça fait bientôt peut-être 2 heures que t'es là-dessus. Ça te prend la tête. Mais au bout d'un moment, il y a deux noms. Enfin, deux cas qui te titillent un petit peu. Tu vois, c'est un homme et une femme, justement. Cet homme-là. Il est mort de froid, ouais. Sans violence, mais complètement nu, retrouvé sous des cartons, un peu plus loin, dans un coin au niveau d'Alésia. Donc de nouveau dans le même secteur, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alésia, c'est probable. C'est aussi sur la ligne, hein. C'est ce que j'avais vu sur la ligne 4. C'est ça. Et la date qui te titille un petit peu, son décès, le jour où il a été retrouvé, c'est le 8 décembre. 8 décembre, rappelle-moi quand est-ce qu'on a retrouvé Baron, quand est-ce qu'il était décédé. Le 7 décembre. Donc nous on l'a retrouvé le 7 et ça faisait 2 jours qu'il était mort. Que tu nous avais dit, c'est ce que j'ai noté. Ouais, c'est ça. Donc il serait mort le 5. Et le cadavre de cet SDF a été retrouvé le 8 au matin. Le 8. Par des... Okay. Par ceux qui... les éboueurs... qui sont venus pour nettoyer et au moment de balancer les poubelles. Qu'est-ce qui a été fait du corps ? Il a été emmené à l'hôpital où on a procédé à une légère autopsie, mais très rapide, puisqu'on en a déduit qu'il voilà, n'y avait pas eu de sévices, mais qu'il était juste mort de froid. Et après, il a été envoyé à enterrer, enfin, rapidement dans une espèce Il a de été fosse inhumé commune. dans une fosse commune. Ouais, exactement. Merde. Ça, pour le retrouver, par contre, dans une fosse commune, ça va être chaud, quoi. Ok, donc du coup, tu m'avais dit qu'il y avait une femme aussi. Exactement. Donc cette femme, c'est Nue marrant, mais également. c'est un peu le même procédé. Sam a été retrouvée morte, pas de froid. Il D'accord. semblerait que elle ait été droguée, Ah. mais pas de la drogue, voilà, que ce soit, c'est pas une overdose, rien du tout, c'est vraiment un anesthésique, quelque chose qui l'a endormie, et elle a été retrouvée pareil, allongée, complètement congelée sous des cartons, et nue également. Quel jour? Là, elle a été retrouvée le 20 au soir. Enfin, pas le 20 au soir, le 19 au soir. Hier, en fait. Ouais. Eh ben, je vois tout de suite pour faire rapatrier le corps vers notre légiste. D'accord, du coup tu appelles ton confrère, enfin un confrère qui te met en relation avec l'hôpital où elle était, et tout de suite on te dit qu'on te fait rapatrier le corps chez ton Le corps légiste. et tout ce qu'on a retrouvé à côté, même Il s'il n'y n'y a pas avait grand-chose. rien, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que elle, c'est tout. D'accord. Ouais. Ok. Deuxième recherche que j'aimerais faire avant qu'on passe à quelqu'un d'autre. Et voilà, après tu peux passer à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, je te dis juste la recherche que je vais faire. Oui. C'est par rapport justement aux psychotropes. J'avais déjà commencé à faire des recherches par rapport au rapport du légiste de Baron. Et j'essaie de faire le recoupement par rapport à la sphère Chobé. Voilà. Chambé, ok, ça marche. Voilà. Fab. Oui. Fab, mon petit Fab. Tu es dans ton bureau face à cette lettre manuscrite. L'encre est bien sèche. L'écriture est pas rigide, mais tu sens que c'est une écriture droite. Enfin, que la personne qui a écrit ça, puisque tu avais déjà fait un jet à la session précédente pour savoir. T'as jeté un œil déjà et tu avais noté que c'était une personne qui, à la façon d'écrire, était une personne sûre d'elle et très méthodique. C'était déjà là les premières choses que tu avais trouvées. Du coup, Maintenant, je te laisse. Oui. je remarque rien d'autre sur le par rapport au comportement Bah, ou quoi. qu'est-ce que tu veux chercher? Quelle est vraiment les choses que tu veux trouver de ce texte? D'ailleurs, c'était quoi le texte, rappelle-moi. C'est comment va Madame Chambet? Donc ça, il nous avait raconté l'histoire, machin. C'est ça. Non, du coup, je vais chercher tout simplement tout ce qui est en rapport avec la secte, tout simplement. Parce que après, voilà, tu m'avais parlé peut-être de faire des analyses sur l'encre, sur Oui. le style de. Bah, Parce c'est que ça. au niveau de l'encre, tu vas me faire un petit jet de search. Enfin, pas, non, toi, c'est. Non, t'as un truc spécifique, toi. Ouais. Ouais. Je peux pas dire n'importe quoi, toi. C'est. Graphologie. Ah, ouais, une Graphologie. étude graphologique, ça, c'est Ok. bien. Alors, voyons voir. Non, Alors c'est ça va pas te donner. exclamation. Too Ça va bad. pas t'aider. Dix-neuf, ça passe. Ok. Alors au niveau de la graphologie, bon, effectivement, tu retombes. Enfin, tu sais déjà que c'est le style d'écriture, c'est quelqu'un de méthodique et de froid. Ouais. Maintenant, l'encre en elle-même, après analyse de l'encre, Tu sais que ça vient probablement d'un stylo, enfin de type Bic. Hein, tu sais, c'est de l'encre, on va dire classique qu'on peut utiliser. Et que ça a dû être écrit au niveau de la texture, c'est quelque chose qui a dû être écrit la veille. D'accord. La veille de là où enfin, vous l'avez retrouvé. Donc probablement le 19. C'est très récent. Ok. Voilà. Après, tu fais un peu l'analyse du papier. C'est un papier d'imprimerie. A priori, quand tu regardes un petit peu, ça pourrait venir d'une feuille de journal. Quand tu regardes, c'est un encart de pub qui a été un peu estompé. Oh. Et tu reconnais en bas là des enfin des une façon d'écriture qui est assez spécifique à un petit journal qui est donné souvent dans les transports en commun qui s'appelle le 20 minutes. Le 20 minutes. Oh. Ok, d'accord. Eh ben j'essaie de faire la recherche sur quel journal le mec avait pu utiliser, si c'est le journal de la veille ou pas. J'essaie de savoir ça. Du coup, bah, qu'est-ce que tu vas me faire comme petit truc? Parce que mon graphologie, ça va pas le prendre. Qu'est-ce que je pourrais te faire pour ça, toi? Ouais, j'aurais tendance à dire search. Parce que là, t'es pas vraiment dans ton domaine d'expertise, c'est pas ton truc, mais bon, on va dire search. Après, si tu me fais un J'ai bon 20% jet, en plus. c'est ça, ouais. Bon, ok. Ok, non, tu saurais pas Rien. dire, tu saurais pas dire quel jour exactement c'était, mais tu sais déjà que c'est a priori Le un 20. journal 20 minutes Et que ça a dans été un. écrit donc, a Et que ça a priori. été écrit la veille au soir, enfin, le 19, enfin, soir, matin, je sais pas quoi. Ça pour les Voilà. détails, sera. Emma, Et à j'arrive à part toi. Ah oui, ah pardon. oui, pour les la secte machin. Ah oui, la secte. J'ai pas Bah, compris du coup, ce la genre de secte. questions. Un truc Bah, basique. là, vas-y, tu me refais un jet de search, du coup, parce que là, c'est vraiment. T'as pas d'informatique, Oui, non, t'as pas d'informatique, toi. bon, ok, non, laisse tomber. Donc c'est Laisse tomber. toi. Non, mais fais. Ah, t'as fait 60? Laisse tomber. Non, bah attends, tu trouves pas plus que ce que t'avais déjà trouvé. Enfin, ce qui avait déjà été trouvé la dernière fois. Après, ça a l'air assez d'être obscur. Ouais. Ça a l'air d'être assez compliqué de trouver des informations sur eux. Emma, tu es dans ton bureau, face à ton Oui. écran. Oui. Je te laisse me dire ce que tu veux faire. Comme dit tout à l'heure, Par quoi tu est-ce que commences? j'ai les. J'ai lancé d'abord la recherche parce que ça va pas. J'ai laissé une petite bouteille à la mer dans le dark machin là. Le temps Le que ça dark réponde, le web. temps que ça réponde, voilà. Le temps que ça réponde, je vais faire mes recherches sur les itinéraires et les paiements passés sur les dernières semaines des victimes. Alors enfin, ta recherche précisément, elle se situe dans quelle période? C'est 2 jours, des semaines, 3 jours, 4 jours, une semaine, un On va mois. dire les 15 derniers jours de Baron. Et Ouais. pour la voyante, à partir de la disparition de Baron. Ok. Et aussi Bon. récupérer toutes ses interventions médiatiques et pour récupérer tout ce qu'elle a dit aux médias par rapport à ça. Donc du coup, on va commencer par Baron et on va commencer par rapport à. Alors, on va. Est-ce que tu veux commencer par ses relevés bancaires ou par ses données téléphoniques? Téléphonique. Ok, bah tu vas du coup me faire un test en... Bah toi tu as computer science, donc on va dire que ça va être ça. Tu es plutôt doué là-dedans. Tu es sur ton écran, t'es, ton clavier. Évidemment, tu as les droits, tu as accès, tu as un logiciel spécifique pour avoir accès à ce genre de choses. J'ai fait 51. 51. Effectivement, donc... Non, tu m'as dit c'est les données téléphoniques, hein. Donc sur les 15 derniers jours, par rapport à ces données, tu sais que la géolocalisation de son téléphone, a priori, se trouve énormément sur un point précis que tu devines très facilement, qui est le laboratoire. Il a passé énormément de temps là-bas. Les seules fois où tu le vois autre part, peut-être dans les 15 jours, il y a eu une fois à son appartement. Okay. Sinon, c'est chez, ça, c'est chez son assistante, où il a passé quasiment toutes ses nuits. Enfin, sauf les nuits où il passait des fois, où il dormait directement au labo. C'est déjà arrivé. Mais quasiment toutes les nuits extérieures, c'était chez elle. Et quelquefois, tu as vu qu'il allait un petit peu au restaurant. A priori, c'est dans la zone où il était, une petite zone avec un restaurant, a priori. Donc tu peux deviner que c'est là où il était. Donc pas de truc particulier. Et dans les dernières. Le jour de sa Dans les. disparition, ouais. Voilà, dans les derniers instants, tu vois que le téléphone a pingé devant le restaurant où il a passé son appel avec sa femme. Ensuite, il a pingé dans une rue. J'aurais pas de rue spécifique à te donner là comme ça, mais dans une rue qui était dans le 11e arrondissement de Paris. Je te donnerai une rue, hein, t'inquiète pas. Ensuite, plus rien. Ok. Est-ce que j'ai trace via peut-être qu'il a utilisé une appli pour son véhicule, savoir quel était le trajet demandé? Alors, tu vois que sur les applis qui ont été utilisées dans les derniers instants, quelques heures avant de partir du restaurant, il a utilisé Uber. Voilà, c'est la dernière appli qu'il a utilisée, c'est Uber. Ok, et j'ai moyen d'avoir sa demande de trajet? Bien sûr, donc tu vérifies ça sur ton truc et a priori c'était restaurant domicile. Domicile que tu connais, hein, tu sais qu'il est dans les beaux quartiers parisiens. Donc Mais a pas dans le priori 11e. pas dans le 11e. Et c'était pas sur le trajet non plus. C'était pas sur le trajet. A priori non. Et est-ce que j'ai trace de ce trajet-là où il allait direct à cette adresse? Comment ça trace de star Bon, il a commandé le Uber pour aller du resto jusqu'à chez lui. Oui. Est-ce que ça s'est fait et qu'il allait après vers le 11e? Ah, tu dis sur le suivi de trajet, est-ce que le Ouais. trajet était vraiment bouclé comme il se doit, Ouais. ou ça a été passé 11e et après trajet maison? C'est ça que tu veux? Ouais. Était validé. Alors la course, a priori, n'a pas été valide. D'accord. J'ai contacté le chauffeur pour savoir si il est monté dans la voiture, s'il y a eu un problème ou s'il n'a jamais été là. Alors tu fais ça de suite là ou tu... Ouais, bah ouais, Ok. convoque-le directement au commissariat histoire de. Ok, bah d'ailleurs tu appelles Uber Et donc on te donne les coordonnées de cette personne. Mm-hmm. Personne ne répond. A priori, le chauffeur en question se nommerait Benoît Pichon. Et est-ce qu'il a retravaillé depuis ? A priori, oui. Ok. Bah, je laisse une note à mes collègues Flo et Arthur pour qu'ils le récupèrent, d'une manière ou d'une autre. Hé, okay. Moi, je fais les recherches, hein. Les entrepreneurs, c'est pas mon truc. Il est au Pichon. On va aller voir ce Pichon. Voilà. Donc c'est quoi, c'était le chauffeur Uber, c'est ça? Ouais, le chauffeur Uber. Ouais. Bon, ça marche. Bah vas-y, continue, et puis après on viendra, viendra à nous, je pense. Du coup, est-ce que on continue sur les relevés bancaires ou on passe sur les relevés satellites, enfin les relevés téléphoniques de mademoiselle Katia Midoskaya? Sauf s'il y a un truc particulier qui correspond pas à ces trajets. Que j'imagine que les relevés bancaires ils devraient correspondre facilement à ces déplacements, au resto, etc. Fais-moi un jet encore une fois de computer science, s'il te plaît. Ça veut dire qu'il y a un guichet sur roche. Baleine sous gravier. Encore 51. Combien avait de chance que tu fasses deux fois c'est le même chiffre. Pastis. Pastis. Non, pastaga. Tu fais un petit peu le parallèle entre du coup les derniers relevés plus ces relevés de bancaires. Tu vois que la course a été enregistrée et a priori payée sur Uber. Mm-hmm. Et le dernier achat qui a été fait avec cette carte est un achat dans une épicerie, a priori, dans le 11e arrondissement. Ok, l'adresse de cette épicerie, exactement, et le nom. Alors, attends, il faut que j'aille sur Google Maps. Ok. Bon, donc, après, voilà, je te dis un nom de rue, parce que je vais pas m'emmerder quand même à passer du temps sur Google Maps, à part s'il y en a un de vous qui avait envie d'aller sur Google Maps, de donner un vrai nom de rue, n'hésitez pas. Ou tiens, la rue, dans le 11e, la rue du Chemin Vert. Je connais un petit café là-bas. La rue du Chemin Vert, voilà. C'était okay. Et a priori, c'est exactement la même rue. Et en croisant avec l'épicerie en question, puisque tu notes que c'est quasiment au même endroit que le téléphone a pingé pour la dernière fois. Est-ce que je peux savoir si c'est paiement sans contact ou avec le code, parce que ça se trouve c'est pas lui qui a payé. C'est un paiement sans contact. C'est une broutille, hein. C'est genre il a acheté un truc à 10 balles, quoi. Ouais, mais faudra aller voir sur place pour savoir qu'est-ce qui a été acheté. Mm-hmm. Voilà. Donc pareil, je transmets les infos aux enquêteurs du terrain. Tu vas hein. Tu follow le chemin vert, Flo, je te laisse Pichon là, le chauffeur. ça marche, je vais m'occuper du. À noter que vous savez que Arthur habite rue du Chemin Vert. Tout est lié. Les pieds sont dans les paquets de plats. À vous. Du coup, on va faire vite fait pour mademoiselle, si tu veux. Et puis après, on laissera nos enquêteurs faire leurs enquêtes. Par rapport à Katia Midoskaya, t'as été toujours aussi doué tu as noté que les 15 derniers jours avant, effectivement, tu l'as vu se balader un petit peu dans Paris, faire du shopping dans des endroits plutôt huppés, a priori. Elle serait Ça allée marchait bien aussi. pour elle. Bah oui, bah, en fait, l'avantage de ces médiums, c'est que les artistes qui sont pétés de thunes aiment bien ce côté un petit peu mystique et ils sont prêts à mettre de l'argent pour ce genre de conneries. Et a Toi, je le priori, juge, ça juge, ça juge. non, mais Beaucoup de c'est quelque jugement, chose qui toi. est vrai. Il y a beaucoup de charlatans qui abusent de ça. Alors, mais après, il est dit que elle aurait vraiment des aptitudes. Et que du coup, certains sont prêts à mettre le prix pour avoir ses services. Du coup, elle vit bien. D'ailleurs, tu vois que son séjour à l'hôtel a été réglé par quelqu'un, a priori un client qui est probablement peut-être un de ses amis aujourd'hui. Du coup, elle ne paye pas l'hôtel. Ok. Et donc elle s'est baladée un peu partout dans Paris, dans les quartiers. D'ailleurs, tu remarques son petit séjour au commissariat pour essayer peut-être de collaborer. Et puis tu vois que a priori elle serait allée dans divers médias pour essayer peut-être de faire valoir sa cause et dire que c'est pas juste qu'on n'ait pas utilisé parce qu'elle avait des informations à révéler. C'était Voilà. dur la vie. Et Ouais. du coup, J'aurais pu prévoir quand même. son hôtel, tu sais que son hôtel, alors je sais pas si vous avez donné l'adresse Non. Non. de son hôtel est, Relis elle est ma où mère. Oh celle-là? non, pas déconner quand même. Non, non, non, non, non, non, Dans le non, non. 14e? Attends. Mairie du 14e. Le, elle est, elle séjournait au Royal Monceau, avenue Hoche. Ah bah rien que ça. Ok. Bah, Fab et moi, vous irez fouiller sa chambre. Ah, tu sais que, bon, a priori, de ce que tu as entendu dire, elle serait venue à la base sur Paris pour un séminaire sur le monde des sciences médiums. Et qu'avec le confinement et tous ces trucs-là, du coup, elle n'a pas vraiment pu quitter Paris dans les premiers temps. Et que, elle est un peu restée. Elle est restée plus longtemps, même si elle aurait pu à la fin rentrer chez elle, parce que bah, des gens lui ont payé. Un hôtel qui, de surcroît, est très cher. À mon avis, Voilà. il va y avoir pas mal de tickets. Ok. Mais le séminaire, ça peut être intéressant aussi parce que tout ce qui est mystique, machin et tout, peut-être qu'il y en a qui savent un peu plus que ce qu'on trouve sur le net par rapport à cette fameuse secte aussi. Peut-être, ouais. Ça peut être une piste. En Du tout cas, coup. voilà. Je vous laisse maintenant, Flo, je te laisse. Par rapport aux différentes pistes, donc il faut qu'on interroge Arthur Pichon, qu'on aille voir cette épicerie, Benoît qu'on aille Pichon. fouiller. Ah, Comment? c'est aussi un pigeon. Benoît Pichon. Il a déjà vendu Arthur. Arthur C'est Pichon. ça. C'est quoi? C'est toi. C'est C'est Benoît Benoît Pichon. Pichon, t'as dit Arthur Ah, Pichon. ah, pardon. Arthur, c'est ton camarade. Ouais, mais ça, c'est. C'est Arthur. Je me Arthur souviens Pichon? pas des prénoms. Bravo, on te rappelle. Donc, Béatrice, toi, t'as fait de bonnes recherches. Pareil. J'imagine qu'en parallèle, t'as peut-être aussi lancé par rapport aux recherches génomiques, par rapport au cyprès, par rapport aux Oui, deux ah pouces. bah oui, j'en ai pas reparlé, mais Bon, oui. ça, j'imagine que ça prend du Bon, temps, par contre, après, en oui, parallèle de ça prend ça. du temps, tout ça, donc c'est sûr que c'est sur un peu plus tard. Après, tu peux pas tout faire en même temps. Oui. Donc, faut aller voir Benoît Pichon, faut aller voir l'épicerie, la chambre. C'est vrai que j'avais dit peut-être Fab et Emma, mais en fait, je reviens plutôt sur ce que j'ai dit. Plutôt envoyer un enquêteur avec un scientifique pour fouiller la chambre. Je pense que c'est mieux. Du coup, comment on s'organise? Donc toi, Arthur, tu voulais aller à l'épicerie. c'est à côté de chez moi, donc c'est pratique. Bah, tu pourrais aussi t'occuper de Benoît, vu que c'est pas à côté. Du coup, je peux faire... Oui, je peux demander à Benoît de m'emmener au chemin vert, comme ça je lui parle pendant, je lui parle pendant le trajet. Voilà, c'est ça, hein. Au pire, ouais, tu feras un Uber. Ça. C'est ça. Je... Alors, tu as... Emma, on t'a donné l'adresse de Benoît Pichon, a priori. Ok. Benoît Pichon, donc, pour vous dire, il habite 24 rue Voltaire à Villejuif. J'avais encore une question, Gosset. Oui. Du coup, la femme SDF, elle était retrouvée où? Dans le quartier, pas loin en fait du métro d'Enfer Rochereau. Ok, ça marche. Ok. Mm. Et elle est morte quand elle? Elle est morte le 19-12. Je sais pas s'ils ont. Elle est morte le même jour. Bah, là, a priori, c'est trop frais pour que toi tu puisses. Tu le sauras quand le corps va arriver. C'est le légiste qui va récupérer le corps pour l'analyser. En plus, tu sais très bien que voilà, c'est un SDF. Ils vont pas s'en occuper dans la seconde. Là, elle est dans la morgue. Elle a l'étiquette sur l'orteil et on s'en occupera. Enfin, quand on peut vraiment, parce que ouais, bon, maintenant ils vont s'en occuper vite, hein, parce que c'est bah, là, oui, mais l'hôpital en soi, elle a pas oui, forcément. Bien sûr. Voilà. Ça, je me doute, ils ont pas forcément fait d'autopsie. Oui. Ils n'ont pas ouvert d'enquête. Bah, ils ont juste vu que a priori, ce serait un sédatif ou un anesthésiant, puisqu'ils ont retrouvé. Des piqûres sur son... Parce qu'ils ont fait une pré-autopsie, mais ils l'ont pas charcute, quoi. Du coup, Fab ou Emma, pour venir avec moi à la chambre d'hôtel? Bah, allez. Fab, plutôt, parce que je pense que moi, j'ai encore beaucoup de taf au labo, en vrai. Hein. Ok. J'ai terminé la lettre, en soi. Ok, et donc, tu vois, sur la lettre, donc... Qu'est-ce que t'as eu? Justement, justement, je lui ai dit absolument tout ce que j'ai trouvé. C'est juste que c'est écrit en bic. Voilà, et si a priori ça a été écrit la veille où tu l'as trouvé. Ok. Très récent, et ce serait sur le 20 minutes là, qui est distribué dans tous les métros. Le 20 minutes? C'est-à-dire quoi? Ouais. Moi, ça, je l'ai pas vu. Ça veut dire que ça aurait été effacé en fait, en partie, c'est ça? Ouais, ça a été un petit peu effacé, mais. Mes talents d'analyste m'ont permis de trouver ça. Et le 20 minutes, de quelle date? Ah, ça, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver. C'était trop effacé. J'imagine que c'est quand même un 20 minutes récent, mais je ne peux pas en être sûr à 100%. Je sais pas si Emma peut peut-être faire des recherches plus approfondies. Il a écrit ça la veille, donc a priori. Essayer de retrouver de quelles 20 minutes ça provient. Moi, je n'ai pas de connaissances scientifiques. Hein, donc, Mais c'était écrit sur du papier de 20 minutes ou il y a eu un transfert? J'ai pas bien compris. A priori. Ça... Enfin, c'est une page de pub, en fait, où il y avait très peu de choses dessus. Hein. Il y a des fois où, sur le journal, tu as très peu d'icônes ou de screens d'inscription. Et du coup, il a réussi à estomper, en gros, à éclaircir un peu la page, à essayer de faire en sorte que ce soit un peu méconnaissable. Mettant dans de la javel ou un truc comme ça pour. Ouais, voilà. Pour tu sens que le papier est sec quand même. Tu vois, tu sens que c'est le papier a. Comme s'il avait été mouillé et séché. Du coup, c'est un papier qui n'est pas forcément très malléable comme il aurait été en temps normal. Je pense que, ouais, une analyse un peu plus poussée en spectro peut peut-être nous donner des choses et essayer de retrouver de quelles 20 minutes ça revient. La date, elle n'est pas écrite quelque part, en bas ou autre. J'ai toutes les analyses et rien. Donc, ok. Moi, je vais... Pendant que vous faites ça, alors, je vais télécharger les PDF de tous les 20 minutes du mois et je vais essayer de comparer... avec un logiciel, hein, puisque je vais juste faire une comparaison de... pour les correspondances. Voilà. Reconnaissance faciale. Ok, donc bah, pendant qu'Emma elle fait ça, moi et Fab... T'as Emma, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle fait tout. On va à l'hôtel et Arthur, il va rue... Il va chez lui, en fait. Il va boire un café à la maison. Ah, c'était dur. J'ai enquêté. Bah non. Du coup, bah, vous... je pars du principe que bon, Emma travaille toujours, elle est à fond, elle est sur tous les fronts. Tu vois qu'il y a sa chaise en fait qui est sur roulette. Elle a un ordinateur là-bas, l'autre ici, un dans le fond. Tu la vois, elle passe un... Je ramène un énorme café. On met pas la musique à fond. Je ramène un énorme café. Non, voilà. Du voilà. Monster. Plusieurs canettes. Ah bon. Des canettes de Monster. Énorme, tu sais, de café. Des monsters en XL, XXL. Et un pack de Monster, un pack de 6 Monster. C'est ça. Et du cacolac, évidemment. C'est ça. Et bien sûr, non, le Monster, elle le boit à la pâte. Je connais mal ta sœur. Et bien sûr, le Monster, elle le boit. Elle le boit pas dans. Parce qu'elle aime pas. Le Monster, elle le boit pas dans la canette, elle le boit dans son truc spécial avec une paille. Parce que c'est plus cool. Quoi qu'il en soit, voilà, une fois que vous êtes passé voir Emma un petit peu pour discuter de ce qu'elle avait trouvé, bah vous filez, toi, donc Fab et Flo, en direction de ce d'hôtel Monceau. De Royal Monceau, et donc vous vous retrouvez avenue Hoche devant cet immense hôtel d'une classe assez certaine, hein, le raffinement à la française, les hôtels parisiens dans la tradition du luxe, pardon. Et vous êtes accueilli par le portier avec sa tenue rouge et son petit chapeau bien adéquat. Ouais, vu moi ma dégaine que je dois avoir en plus. Et il vous accueille. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous? Police, je lui montre ma carte. Il faudrait qu'on puisse voir une de vos chambres où madame Petrushkaya, là, ou quoi là. Midoskaya qui était descendue. Ah, au côté. Donc du coup, il vous ouvre la porte et il vous amène du coup à la réception, parce que lui, il ne se fait que transporter les bagages. Donc du coup, à la réception, évidemment, on vous donne la clé de la chambre de Katia Midoskaya. Donc c'est le troisième étage, une suite, alors pas royale, mais une suite de grand standing. Vous montez l'ascenseur. Hein, voilà. Voilà, vous prenez un ascenseur avec une petite musique raffinée qui vous titille les oreilles. Un bon air de Bach. Ah, vous arrivez là-bas avec des moquettes, la moquette qui jonge le couloir. Vous avez l'impression que c'est molletonné, que vous enfoncez dans le sol tellement elle est exceptionnellement moelleuse. Et vous arrivez devant cette porte et avec la carte qui ouvre... La porte, vous rentrez dedans et on va mettre les gants déjà. Voilà. Et vous voilà donc dans la chambre. On ouvre la chambre. Je vous laisse dire ce que vous faites. Bah, déjà, on balaye du regard, hein, voilà. Eh bien, vous voyez une chambre magnifique. Vous voyez que le service d'étage est passé. Son lit est bien fait, mais a priori, on vous a dit que à l'entrée que ça fait quelques jours que elle n'est pas qu'on l'a pas vue. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était il y a une semaine à peu près. Ils n'ont pas essayé de la contacter? Non, bah après, c'est. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Ils vont pas s'imaginer qu'ils se sont fait kidnapper, hein. Oui, non, ils font ce qu'ils veulent. Mais... Après, ce sont des choses qui se font. Vous avez des hôtels qui sont réservés. C'est des appartements personnels quasiment, hein, les chambres. Hein, donc, ils vont pas s'inquiéter de. Voilà. Donc, et puis, c'est pas la première fois que ça pouvait lui arriver de faire ce genre de choses. Mais que la dernière fois qu'ils l'ont vue, elle était partie en voiture. Une voiture était venue la chercher, probablement un Uber, devant les portes de l'hôtel. Bah, j'ai déjà envoyé ça à Emma justement en lui disant tu devrais vraiment regarder un peu plus Uber pour la Miss là. Ouais, bah c'est pas le même chauffeur. Pour voir si c'est le même chauffeur ou quoi. Du coup, bah voilà, le téléphone, enfin le message est passé, elle regardera. Et mais sinon, voilà, tout est réglé, il n'y a pas de souci au niveau des paiements. Ça a été payé à l'avance ? Oui, c'est payé à l'avance, alors pas par elle, par un de leurs clients habituels, quelqu'un de très respectable. Ton nom ? Alain Leclos, un riche, un millionnaire... qui est connu un peu de tout le monde. Il a ses entrées un peu partout. Donc quand vous arrivez dans la chambre, vous voyez des affaires un peu posées, des affaires féminines. Arrangées peu... ou pas ? Alors, plus ou moins bien rangées. Tu vois, le lit est bien fait, puisque la femme de chambre est passée, elle a bien fait le lit. Tu vois qu'il est fait à la perfection. Par contre, tu vois, sur des chaises, tu vas retrouver peut-être un peu de lingerie, de la lingerie fine, de la lingerie de luxe, une valise posée dans un coin et des effets personnels sur un. D'ailleurs, tu remarques qu'elle a un bureau, enfin, un endroit où elle a déposé des livres, des stylos. Je pense qu'elle doit écrire un, deux, trois trucs et tout là-dessus. Pas d'ordinateur. Le nécessaire de toilette que peut avoir une femme. Tu as la chambre, tu as un petit salon. Et tu as une salle de bain assez grande et une toilette. Oui, d'accord. Salle de bain et toilette séparées, évidemment. Oui. Ok, ben moi je vais. Commencer par la valise, bien commencer par quelque chose. Voilà. Okay. Moi je me dis, les bouquins alors. Bah, faites-moi tous les deux un jet de search, s'il vous plaît. Bon, ça va être un jet de search pour toute la chambre en fait. Je pense que tu vas pas nous demander un jet. Oui. Non, un jet de search pour les toilettes, un jet de search pour la salle de bain. C'est le rôle. C'est un échec. Bon, t'es tous les deux, tiens. On a l'air fin. Alors, toi aussi, t'as. Ouais. Dans un premier temps, vous cherchez dans les effets personnels, que ce soit la valise, tout ça, vous voyez pas grand chose de très intéressant. La valise contient évidemment des habits, la lingerie et tout ça. Toi, tu étais dans la salle de bain, tu m'as dit, on regarde au début. Enfin, Fab. Ouais, regardez les livres. Ah, moi, tu regardais dans les livres. Alors, dans les livres, tu notes quand même, même s'il n'y a pas forcément de choses super intéressantes, parce que pour beaucoup, ça parle de sciences médium, des trans. De trans qui permettent de communiquer avec différents esprits, des rêves, qui permettent de révéler des choses passées, des choses futures. Mais tu vois quand même une note où elle décrit un petit peu. Le côté un petit peu déplaisant, ce qui s'est passé avec les flics, en fait. Le fait qu'elle soit fait rembarrer, parce qu'elle détenait des informations, a priori, qui pouvaient être importantes. Et tu montres ça à Flo. Ouais. Je la lis en même temps. Et tu notes que elle te dit. Alors, attends, je vais agrandir un peu parce que je vois pas tout. Voilà, merci. Que donc elle a ressenti des visions sur un certain Francis Baron. Francis Baron qu'elle avait un peu plus tôt aperçu sur des médias, puisqu'on parlait de lui un petit peu sur ce qui se passait avec le virus. Et elle a eu des visions de cet homme, mais des visions très flash, dans le sens où elle voit son visage et elle voit le noir absolu. Elle le voit dans un premier temps endormi. Ensuite, c'est le noir. Elle revoit son corps allongé sur une stèle. Une stèle avec des ornements bizarres, des trucs qu'elle ne saisit pas. Elle entend ce bruit de clapotis, des espèces de gouttes qui tombent, comme si ça tombait sur une flaque et ça faisait une espèce d'écho. Qu'est-ce que quoi? Elle ne devait pas fumer que de l'herbe, celle-là. Des stèles comme dans un cimetière. Enfin, comme un... Ah, comment dire ça? C'est pas forcément une stèle que je voulais dire, mais plutôt un hôtel, voilà. Ah, comme oui. Un hôtel. Voilà. D'accord. Un hôtel avec des gravures assez bizarres dessus, mais la pénombre étant, elle n'a pas vraiment réussi à savoir ce que c'était. Toujours est-il qu'elle savait que c'était lui, son visage était clairement visible, mais elle n'a pas vu son corps dans son entièreté. La seule fois où elle l'a vu allongé, mais c'était dans la pénombre, c'est quand il était allongé sur cet hôtel. Il avait dans un premier temps les pieds et mains liés. Il était un petit peu comme, vous savez, tiré comme les bras écartés et jambes écartées. Ouais, comme pour un écartement, quoi. Voilà, mais sans que ce soit tiré, ça c'est oui. Juste écarté pour qu'il fasse la position. Et voilà, ouais. cette espèce de goutte. Ces gouttes qui tombent en contrebas et qui tombent sur dans une flaque et plouf. Mais tu sais, avec un écho qui ouais, fait ouais, que t'as l'impression que la salle est beaucoup plus grande que ce que tu peux penser. Elle a précisé qu'il le voyait habillé ou pas? Non, a priori, dans la façon dont il a... Enfin, elle a vu le corps, elle pense qu'il était nu. Ah. Et sa vision se termine sur une ombre qui passe et un flash intense. Et elle voit la main de la personne qui passe devant et qui tient dans sa main un bourgeon de fleurs. Wow. Un contact est-ce que tu as quelque chose dans la valise, genre de la drogue ou quoi? Après, c'est ce qu'il y a écrit sur le texte tel qu'il est. Voilà, c'est elle a noté ça, genre comme si. C'est un de ses rêves en fait. Elle raconte son rêve. Alors, les rêves, on sait, c'est psychédélique. Un rêve, des fois, tu rêves des trucs de cinglé. Mais ouais, étant médium, elle a la prétention d'arriver à décrypter les rêves et de penser que ce rêve était quelque chose de concret. Voilà. En tout cas, elle dit qu'elle ne savait pas, elle ne pouvait pas dire s'il était vivant ou mort. D'accord. Voilà. Et elle s'est fait jeter du coup par la police quand elle a raconté ça, ce qui l'a mis en rage et du coup elle est partie un petit peu se défouler sur les médias. Voilà. Ok. Trouve rien d'autre dans la chambre du coup. A priori, non. A priori, non. Il y aurait pas grand chose de plus à trouver. Trace d'effraction. Non, non, y a personne est venu dans cette chambre. De toute façon, l'hôtel l'aurait tout de suite vu puisque le personnel vient régulièrement voilà, pour vérifier si tout se passe bien. On va quand même chercher s'il y a des traces de sang ou autre. Ouais, notamment genre salle de bain. Voilà. Bien sûr, vous regardez, honnêtement, vous faites le tour de tout ça et vous ne trouvez rien. Rien, pas de traces de sang, pas de trucs suspects qui pourraient évoquer quoi que ce soit ou une lutte ou rien du tout. C'est vraiment clean. Putain. Merde, elle a peur de se droguer. Ou alors elle le cache vraiment bien. Je sais pas, vous faites quoi? Vous redescendez? Vous restez encore un petit peu? Il y a des choses que vous aimeriez regarder encore ou... Bah, comme dit, je pense que ça nous prend un certain temps hein, de tout fouiller, hein, ouais. Parce qu'on fouille vraiment tout, hein, sous le lit, les armoires, je veux dire vraiment partout. Hein, d'accord. On okay. laisse rien. Je sais pas s'il y a un coffre dans la chambre, voilà. Bah, y a effectivement un coffre. Alors, c'est un coffre généralement où les gens mettent leurs papiers, souvent leurs papiers d'identité, de l'argent liquide qu'ils pourraient posséder. Elle a mis quelques bijoux à l'intérieur. Effectivement, ses papiers, son passeport et quelques liquidités, mais rien d'exceptionnel. Bah, on va tout embarquer, hein, en tout cas. Hein. Okay. On va tout mettre sous scellé et puis on va tout embarquer. Hein. Ok. Voilà. D'accord. On va passer à Arthur. Alors Arthur, pendant ce temps-là, toi, tu es parti dans ton quartier, dans cette rue du Chemin Vert. J'ai pas trop de questions parce que je suis allé là-bas, mais j'ai commandé un Uber. Je me suis arrangé pour avoir Benoît, on va dire, ce qui est possible. Alors on t'a dit... Alors tu as appelé Uber pour essayer d'avoir Benoît Pichon. Ouais. Malheureusement, Benoît Pichon... n'est pas disponible pour l'instant. Voilà, il sait pas. En fait, normalement sur Uber, tu te notes disponible pour être sélectionné. Sauf que là, il a son statut en pas disponible. Du coup, tu ne peux pas le solliciter. Ok, très bien. Bon, bah, je me contente voilà. de l'épicerie. Alors. C'est le prochain. C'est la prochaine victime. Donc du coup, tu arrives dans cette rue. Dans cette rue du Chemin Vert, tu croises d'ailleurs ton petit café du coin, hein, avec ton Marcel qui tient le bar. Au passage, tu fais un geste de main. Ok, waouh. Ah Marcel. Ça va, Arthur. Ça va bien. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu bosses pas aujourd'hui? Ah si, je suis en service là. Je suis en service. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici là? Y a un meurtre? Y a quelque chose qui s'est passé? Je vais pas attendre de parler de plus que ça. Ah mais dis-moi, attends, depuis le temps que tu viens chez nous tous les jours pour boire ton petit café, tu as quand même pas commencé à me faire des cachotteries, hein? Pas à moi, pas à Marcel. Me fais pas ça. C'est quoi? Après que l'histoire, et après que j'ai mis le coupable sous les barreaux, ok. Je passe, on fait un petit café, tu me l'offres. Bien sûr, évidemment. Et je te raconterai un petit peu tout ça. Toi. Mais là, pour l'instant, c'est en cours, du coup, je peux pas. Légalement, je peux pas. Je suis désolé, c'est pas mon badge. C'est un meurtre? Ouais, peut-être, ouais. Ah, c'est un meurtre. Bah, t'es un petit peu trop content à mon goût, là, Marcel, tu me fais peur. Mais non, mais voilà, tu sais, bon. Pas dire que ma vie soit ça trépidante, qu'il se passe énormément de choses, à part ma femme qui me fait chier tous les jours là avec sa vaisselle. Ah bon bref, hein, parce que voilà le comptoir, là, j'ai que ça à m'occuper. Après, ce qui se passe derrière, moi je m'en fous. Donc bon. Ah oui, les affaires elles roulent. Bon encore, heureusement que il y a les piliers de comptoir qui sont là, parce qu'après tu sais le business. C'est pas foufou, hein. Enfin, c'est sûr que je roule pas sur l'or, mais bon, je me contente de pas grand-chose. Puis bon, la vie de quartier, ça me plaît. Les gars comme toi, là, ça me fait plaisir. Enfin bref, écoute, je t'attends, je passerai ce soir, t'inquiète. Je t'oublie, tu m'oublies pas. Bah non, mais comment je veux savoir. Hein. Ok. T'inquiète pas, mec. Ok. Bon, du coup, tu sors. Et t'arrives du coup devant cette épicerie. Alors tu te rends compte qu'elle est pas si loin de chez toi en vrai, et que l'épicier tu le connais parce que c'est Abdel qui tient l'épicerie, la petite épicerie marocaine de la rue du Michemin Vert. L'arabe du coin. Bah c'est ça, oui. Hein, clairement. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est raciste, ça, madame. Bah non, c'est comme ça que c'est. Non, c'est ils sont ouverts jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est trop pratique, le c'est le folklore. Et du coup, il te voit rentrer et il fait hey, Arthur. Comment ça va, mon petit? Tu viens voir la tête? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je viens pour le taf après tout. Enfin, voilà, j'ai quelques questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as comme problème? Écoute, est-ce que tu te rappelles avoir vu la personne, cette personne? Je lui montre une photo en l'occurrence. On est d'accord, c'est bien Baron, c'est ça? Oui, Francis Baron, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu te rappelles avoir vu cet homme-là passer chez toi? T'as le date? Ah, ça me dit trop rien, ça. C'était il y a combien de temps? Des mois. J'ai plus la date en tête parce que tu sais, moi, des gens, j'en vois passer des tonnes et des tonnes, hein. Ah bah, je me doute, hein, je comprends bien. Du coup, je suppose que j'ai la date et son relevé, enfin, ce qu'il a acheté et quand. Du coup, c'était le 6. Enfin, non, le premier, le relevé, c'était du premier. Le 1er décembre. Il avait acheté quoi déjà? T'avais pas forcément l'achat, t'avais juste un montant. D'accord. Ouais, écoute, c'est un il y a voir l'heure aussi. Il y a l'heure, ouais. Bah, je lui donne ces infos-là, alors je dis, bah, il est passé le 1er décembre, à peu près, dans ces eaux-là. Ah, tu sais, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai pas la technologie, c'est beaucoup la machine, hein. Mais je crois que... Il a acheté du Coca-Cola, des bouteilles. Ouais, c'est bon. Ça, hein, les bouteilles de Coca-Cola avec des chips. Ok, bon, t'as bien entendu parler de Francis Baron. Mais c'est pas lui qui. J'ai pas vu ces messieurs. Ah non, je n'ai pas vu. Lui, ça me dit rien du tout. D'accord. Donc, ok, et tu te rappelles à peu près à quoi ressemblait la personne qui aurait fait cet achat-là? Oh, c'est compliqué, hein. T'as pas la photo? T'es pas une photo? Bah non, moi je te dis, je cherche... Je voulais savoir si c'était bien cet homme-là qui était venu chez toi. Mais si tu me dis que c'est un autre, ça m'intéresse aussi. Donc est-ce que tu peux essayer de te rappeler un petit peu? Ah, tu me demandes quelque chose, ça fait... Ça fait presque bien. deux semaines et demie, c'est compliqué. Je crois que c'était un gars pas trop âgé. Ouais. Un grand gaillard quand même, hein. C'est costaud. Je pense. Okay. Après, si tu me mets la photo, peut-être je peux trouver. Écoute, si jamais j'ai une photo à un moment, je reviendrai vers toi pour te demander confirmation. On fait comme ça? Si, bien sûr. Ok, en attendant, si quelque chose te revient, je te passe ma carte au cas où tu aurais pu. Hein. Et puis, d'accord, bah je sais, je connais ton numéro. Combien de fois je t'ai appelé pour les contraventions à sauter, tout ça. Merci à toi. Ah bah je t'en prie, mais fais attention quand même quand tu te gares, hein, parce que bon. Mais il faut faire la livraison, tu veux que je fasse où? Hein? Là, le Paris, c'est la merde. Il y en a partout, tu peux pas te garer, toi, il y a toujours tes collègues qui nous mettent les amendes. C'est le bordel. J'entends, juste, te fais pas choper. Ah, tu sais, je suis quelqu'un de confiance, moi je fais attention, bien sûr. Bah oui, mais je fais quand même une vingtaine de contraventions. Hein, donc, Écoute, je te fais le coca gratuit. Ça va, non? Mais en fait, du filtre à café, il en manque au bureau. Là. Ok, je te donne Allez, je te donne un paquet. Tiens, allez, pose le paquet sur le côté. C'est gratuit. C'est parce que c'est toi. Et tu dis à tes collègues, s'ils veulent acheter des produits de qualité, ils viennent chez Abdel à la rue du Chemin Vert, ok? C'est comme ça qu'on devient ripou. Pas de soucis, parce que c'est Abdel. Tu pourrais faire attention avec ta voiture, hein. Mais je la garde, je fais attention. Parce que ma 504, elle prend de la place. Et en plus, avec l'autre là, qui je peux plus circuler dans Paris à cause de ça là. Alors là, ça suffit. Avec leur vignette pourrie. On a tous nos problèmes, hein. Qu'est-ce que tu Bon. veux, moi. En tout cas, prends soin de toi, hein. Toi Passe le aussi. bonjour à ta femme et puis oublie pas, Ah, rappelle-moi si je le dis jamais. à Aziza, je vais lui dire le bonjour pour. Pas de Allez, problème. super. Tu veux T'es le des meilleur. gâteaux? Elle fait des gâteaux si tu Non, ça va aller, t'inquiète pas. Mais ils sont bons. Hey, t'es tout maigre. Regarde. T'as les yeux, les poches comme ça. Bon, tu sais quoi, je les garde pour. Mets-moi un petit peu, je les garde pour plus tard. Allez, je te les mets. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Allez. Allez, mon fils. Vas-y. Allez, ça marche. À la prochaine. Bon courage à toi. Salut. Ouais, t'inquiète. Donc tu t'en vas avec les informations que tu as donc trouvées. Alors, par contre, j'applaudis l'interprétation d'Adèle. Hein. Dans le chat aussi, on applaudit, s'il vous plaît, parce que. Oh là là! Oh là là, c'était Bah, magnifique! j'essaie, hein, là. Magistral. Adèle, il parle comme une mère juive. C'est sale! Mais tu sais, hein, c'est les juifs pieds noirs, alors on parle tous pareil, tu comprends? Là là! Oh là là! Ok, on va s'arrêter là. Ouais, ça va pas être trop loin. Non. Ah, excellent. Bon, alors. Le pouvoir de nuit n'est pas loin. Bon, alors, du coup, il se serait fait voler sa carte, il en aurait profité. Fait un petit plaisir. Bon, j'essaie d'aller voir un petit peu autour des personnes que je connais du coin. Je passe, même pas s'il y a même quelques mendiants qui l'auraient croisé par hasard dans la rue. GG à quel? Merci, Akiel. les gens du quartier, bah après, tu fais le tour, mais a priori, personne n'a forcément vu ça. Enfin, il n'aurait pas forcément été dans les Même autres si je leur mets une petite pièce boutiques. dans le gobelet là. Ah bah tu peux mettre autant de... Enfin, je te l'évite, mais tu sens que voilà, il n'a été que dans cette épicerie. Les autres commerçants te font dire qu'ils n'ont pas eu vent de qui que ce soit, et encore moins de Francis Baron. Uniquement cette épicerie. Même Ok. Marcel ne l'a pas vu, pour te dire. Ah mais Marcel, bah oui, mais Même Marcel. Marcel. Il se faisait Et je sucer t'ai en train de évité dormir par l'accent sa titi femme. parisien, hein, tu vois. C'était Parce que là, Young Barthez. quoi ça? C'était quoi ça? Bah, c'est. Postel, imitateur d'accent extrême. Voilà. Bon. Donc voilà, donc a Bah priori, écoute, c'est. je retourne au poste, toujours pas disponible le Benoît par hasard. Mais t'as Ah, son bah non. adresse. Tu as son adresse par contre. Ah, dis Ben, on donc, te l'a donné l'adresse l'expertise. à Bah oui, mais Villejuif. désolé, pendant un moment 24 rue Voltaire à Villejuif. Ah, il y a un moment j'étais pas là, il y a un moment je mangeais mon fromage, les bruits de mastication, j'entendais pas tout. Ok. Et ben on va aller voir Benoît. Benoît. Alors, est-ce que. Alors, juste une précision. En sachant que tu vas voir Benoît, tu vas dire qu'il va tout seul ou tu attends qu'il y ai ait quelqu'un avec toi ou pas? Non, j'y vais tout seul. Je Ok. m'excuse auprès des autres, hein, mais c'est plutôt mon personnage. Est-ce que tu signales aux autres que tu vas voir Benoît? Ouais, bah ouais, je leur envoie un texto, surtout à Flo. C'était prévu, hein? Oui, Ouais. mais je préfère. Donc tu te rends avec ton véhicule de fonction à ce 24 rue Voltaire à Villejuif. Tu arrives du coup devant une résidence. Plutôt, alors c'est une espèce de maison, mais en fait c'est comme une maison, mais t'as l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans, enfin plusieurs appartements à l'intérieur de cette maison. Tu vois que sur la boîte aux lettres, en fait, il y a plusieurs noms, dont celle de Benoît Pichon. C'est Il y une a un maison. interphone, il y a un truc, il y a quoi? Ouais, tu as un interphone, effectivement, et tu vois, du coup, c'est une maison assez. Enfin, sur trois étages, et qu'il y a un escalier qui fait les trois étages, en fait. Bon, sur le côté, quand tu montes, tu peux faire un escalier qui part sur une porte, un sur l'autre, et encore sur l'autre. Mais c'est une maison blanche assez haute et plutôt classique. Il n'y a pas forcément de trucs foufou. Et en bas, t'as un jardin qui commun. Rentre, qui sort en même temps à ce moment-là. Pour l'instant, non, tu arrives, il n'y a vraiment personne. Tu es tout seul. Après, tu es en journée. Probablement que les gens soit sont au travail ou. D'ailleurs, tu ne vois aucun véhicule. Tu peux me faire un rappel rapidement de ce que j'ai dans tout ce qui est imitation, imposture, enfin, tout ce qui est un peu dans ce domaine-là. Un rappel sur imitation, sur genre. Ma fiche. Sur quoi, si c'est bon à être un acteur studio? Ouais, un truc du genre. Oh là. Comme ça fait Gossette il y a 5 minutes. Normalement, c'est pas tout très compliqué. Voilà, c'est ça. Tout dépend le G. Si tu fais un mauvais G, tu fais comme Gossette. Oh, arrête. Hey, bonjour, c'est Gossette. J'ai oublié les clés. Tu fais une mère juive. Oh non. Comment c'est pas gentil. Une mère juive, mais comment j'ai si bon G. Je prends l'accent de la mère juive et de toute façon il y en a une dans le bâtiment et je rentre. Voilà. Alors attends, j'ai un doute là, un doute sur la compétence. Voilà, merci. Il faut juste que je fasse un truc. Attends. Sinon, faut que je trouve ma fiche. Tu me l'as envoyée donc. Non, mais c'est pas ça. C'est que comme c'est de l'anglais, c'est des fiches en anglais, j'ai pas Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est ça, tu as 10%. Tu n'es pas t'es pas un acteur studio, mon gars, t'es un agent de police. C'était pas Marlon Brando. Désolé. Ouais, genre agent secret, tout ça. Quoi, c'est un agent secret, Arthur? Non, mais j'ai de persuasion. Ah mais après tu me parles de déguiser d'avoir un machin. Moi je te parle de déguisement. Non, en l'occurrence persuasion ça en vrai tu me diras par rapport à ce que je veux faire mais moi je mets un suspense pour rien du tout, ça va être que dalle mon truc. Après oui, persuader les gens, oui, ça tu sais faire, mais après si tu me dis les déguisements, moi je te dis acting non, machin, c'est différent. Okay, voilà. Bon, oui, en tout cas l'idée c'est que je somme sur un truc actif. Ouais. Et je fais excusez-moi, j'ai oublié mes clés. Est-ce que vous avez moyen de m'ouvrir, s'il vous plaît? Ok. Alors de toute façon, tu es un agent de police. Là, c'est juste un truc entre toi et moi. Il y a des règles. Tu peux pas rentrer chez les gens comme ça. Donc, tu es bien au courant que ce que tu es en train de passer la porte. Parce que Ok. Je suis pas encore devant chez Benoît. D'accord, autant pour moi. Vas-y, persuade. Ah, putain, si tu as 50%. Ça, c'est si tu tombes sur la petite vieille, tu sais, qui vous êtes qui? C'est qui? Oh putain. Oh, et là, tu tombes sur. Allo? Sur le D, le disguise qui est. C'est un échec critique. Allo? Putain, 90, c'est pas un échec critique. Non, mais c'est vu qu'on se moque de moi sur ma façon de jouer, c'est tombé sur ça. Allo? C'est qui? T'as un malus moquerie. J'ai oublié mes clés, est-ce que vous avez moyen de m'ouvrir? Vous êtes qui? Moi j'ouvre pas comme ça, non mais ça va pas, non? Bah c'est Benoît Pichon. Quoi? C'est Benoît Pichon. Vous êtes pas le pauvre con là. Non, je vous reconnais, je sais qui c'est, il m'a Pichon. Et là, elle raccroche. Un autre. Il y a combien de bâtiments? Il y a combien d'appartements? Parce que moi, il y en a trois, donc. Il y a trois appartements. Bah oui, en fait, c'est une maison où il y a trois locataires, en fait. En gros. Ah, c'est une maison. Oui, c'est une maison coupée en trois. Oui, t'as trois noms, donc t'as Benoît Pichon, t'as Madame Marcelin que tu as appelé et tu as Monsieur et Madame Flavon. Voilà, donc tu est-ce que tu essaies de les appeler, Flavon? Je vais réussir mon coup, tu peux. Allez, persuade, vas-y. Allez. Ah, par contre, si je rate, c'est chiant. 30. Oui, bonjour, que puis-je pour vous? Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Monsieur Pichon, j'ai oublié mes clés, est-ce que vous auriez moyen de m'ouvrir, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, allez-y, je vous ouvre. Merci. C'est la voix de votre mec, c'est... on peut l'enregistrer pour faire le truc. Bah, c'est le moment où tu sais la porte, mais. Ouais, bah je fais merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Ok, bah du coup, je vais à la porte de Monsieur Pichon. Eh bien, tu arrives devant la porte de Monsieur Pichon. Il y a écrit Pichon sur la sonnette. Eh bien, je sonne. Eh bien, tu sonnes. Monsieur Pichon? Vous êtes là? Je frappe à la porte. Police! Monsieur Pichon, vous êtes là? Je sors mon flingue. Je sors mon flingue. Carrément, genre. En fait, c'est un ancien Qu'est-ce que non, c'est? Où est-ce qu'il est, le bonhomme C'est un ancien américain, c'est ça. Non, mais en fait, toi, tu fais tout dans les règles de l'art, toi. Pichon, je sens mon FBI, open up! Je suis dans la porte! Hey, au bout d'un moment, je suis revenu mon personnage, hein. Je rappelle qu'il est comme ça. Ouais, non, mais c'est si, hein, okay. Tu sors ton flingue, mais la porte ne s'ouvre toujours pas et personne ne répond. J'essaye de l'ouvrir, voir si elle est fermée ou pas. Attends. Je fais quelque chose d'abord. C'est bon. Tu C'est frappes, bon. tu fais Ça veut dire ce... quoi, c'est bon? Non, non, rien, rien, rien. Là, tout va bien. Si t'avais raison sur ce que t'as mis avant, je pète un câble. De quoi? Au chat, il a mis dans le chat JDR staff, premier mort côté PJ. Non mais rien ne se passe, après c'est toi qui va décider, est-ce que tu défonces la porte J'essaie de l'ouvrir, après si c'est des résidences, il y a peut-être moyen que je puisse voir autour qu'il y ait une vue sur l'intérieur. Alors tu vois que son appartement est au deuxième étage, enfin à l'étage du milieu en fait, Ok. donc en gros un peu surélevé par rapport au sol, donc il te faudrait à la limite une échelle ou quoi pour pouvoir voir à l'intérieur. Et quand tu essayes d'ouvrir la porte, évidemment la porte est fermée. Ok. Bon, je vais pas défoncer la porte, c'est pas là non plus. Bah, je vais voir avec les voisins. Tu vas voir qui? Madame Marcelin? Ou les flamands? Ouais, Madame Marcelin m'avait l'air plus coopératif quand même que l'autre débile qui fait des bruits de porte qui s'ouvre, mais ouais. Hein? Madame Je sais pas. Marcelin est plus coopérative Non. que la famille Flavon? Ah non, Mais pardon, laisse-le pardon, c'est faire. Flavon, pardon, c'est Flavon qui a... Ah. Je confonds, pardon. Ça, tu vois. C'est genre... C'est qui ce con? Mais Tu vas voir sèche les que ça va être flamands? une belle commère, donc elle saura tout, elle. Ah, ça c'est possible. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, Ah ouais, mais j'ai ça, pas le tu mot, l'as là. pas entendu. Ça, tu l'as pas entendu, Ah non, Arthur. bien sûr Tu que ne non, le bien sûr sais que non, je pas. l'ai pas entendu, je l'ai pas entendu. Non, mais de Voilà. toute façon, je reste sur J'ai enlevé les flamands. oreillettes, c'est pour ça. J'entends Emma, elle est plus. partout. Super, ah Je yes. t'entends, je sais, tu peux aller voir l'autre, j'ai tout entendu. J'ai hacké ton téléphone. C'est ça? Elle me reçoit un texto. Là, d'un coup, mon téléphone vibre, il fait t'inquiète, c'est le commerce. Ah, Je sais tout. Ah, pas con. Et regarde des vidéos sur la police. Regarde. Les arrestations américaines. Elle fait Elle des adore ça. incantations étranges chez elle. Alors, je vais voir les flammes. Ok, donc du coup tu arrives dans la porte, Flavon, écrit sur la Eh bien, sonnette. je sonne. Donc tu attends un petit instant et au bout de quelques instants, une femme ouvre la porte et dit oui, bonjour, vous êtes Bonjour madame, police. Oui. Vous inquiétez pas. Police? Oui, vous inquiétez pas. Je viens pour voir Monsieur Pichon. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est? Mais il est rentré là Et moi, tout à. tais-moi. Je devais rentrer, j'essaie de le voir. Excusez-moi, je peux nous excuser. Mais vous auriez eu. Enfin, pourquoi vous faire passer pour Monsieur Pichon? Vous auriez J'étais pu simplement dire que c'est la police? pas sûr qu'on m'ouvre et je voulais pas mettre la causer la Qui panique. n'ouvrirait pas la police? Enfin, je sais pas. Enfin, ouais, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Pichon? J'ai juste besoin de lui parler sur une affaire sur laquelle je suis en ce moment. Ah bah, est-ce que... Enfin, bon, je pars très peu avec ce monsieur Pichon. Il est assez solitaire, pour être honnête. Mais je crois qu'il est... il travaille en tant que chauffeur Uber, il me semble. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais apparemment, ça fait il est... quelques jours que je n'ai pas vu, je ne l'ai pas croisé. Du coup, je sais pas, il n'est pas chez lui, alors j'imagine. effectivement. Écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais, en quoi pourrais-je vous aider? Ben, je voulais savoir si vous aviez effectivement des nouvelles. C'est une petite bâtisse, donc enfin c'est un petit bâtiment, donc il y a moyen que vous puissiez entendre les allées et venues. Bah écoutez, là comme ça, je vous dis, c'est quelqu'un d'assez solitaire, on parle très peu ensemble. Bon, après, les seules fois où on a discuté, c'était quelqu'un de très, enfin, très sympathique, pas de problème, mais voilà, je l'ai vu de temps à autre, il est vrai, je crois qu'il... mon mari m'a dit qu'il était passionné, ils en ont parlé une fois, de spéléologie. Parce que on l'a vu, il a du matériel de temps à autre, il part faire ses trucs, mais sans plus, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. C'est très gentil à vous. Rentrez chez vous. Oui, Et puis, mais il y a un problème, c'est enfin, c'est ce que je vais essayer de trouver. C'est ce que je vais essayer de voir. Rentrez chez vous. Mais Attendez un c'est peu. lui le problème ou c'est quelqu'un s'en veut, enfin, veut s'en prendre à lui? Enfin, je sais pas, je C'est m'inquiète ce un que petit j'essaie peu, de vous découvrir, comprenez? madame. J'en sais pas beaucoup plus pour le Ok. moment. J'ai besoin de lui parler pour le savoir. Oh, ok, d'accord. Bah écoutez, je vais suivre votre conseil. Merci Merci beaucoup, beaucoup. madame. Passez une bonne journée. Bonne journée. Ok, elle ferme la porte. J'appelle mon chef. Bon, tu tombes sur commissaire Jambon. Oui, allô? Allô, chef? C'est Oui. Arthur. Je Oui. suis devant chez Monsieur Pichon, le chauffeur qui aurait conduit donc le doc. Oui. Et il se trouve que déjà il n'est pas chez lui, et d'après la voisine, il serait expert en spéléologie. Je vous préviens, j'entre. Oh! Ah non, non, non, non, non, ne vous pouvez pas faire ça. Je Vous raccroche. ne pouvez pas. Non, non. Non, il se rappelle. Tu peux pas. Je Là, réponds tu. pas. Non, mais. Non, mais. Non, mais clairement, tu peux foutre en l'air une enquête. Hein, avec ça. Parce que si c'est pas suivi dans les règles, tu fous en l'air une enquête. Parce que des. Sans. Sans. Sans Sans. mandat. Sans mandat, les preuves que tu pourrais trouver à l'intérieur peuvent être irrecevables, même si elles sont de ouf, quoi. Je n'aime pas cette nouvelle. J'ai Comment des ça, raisons raison de de son penser nom? qu'il peut être en danger. Donc je peux rentrer dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, il te rappelle. Ton chef te rappelle. Est-ce que tu réponds? Vas-y, tu as rappelé. Vas-y, je décroche. Arthur, là, qu'est-ce que vous me faites là? Vous pouvez pas y aller maintenant. Genre, même si vous avez des suspicions sur lui ou que sais-je, vous ne pouvez pas y aller seul. Imaginez, il vous arrive quelque chose, ou pire, enfin, vous trouvez des preuves, elles sont foutues. Donc, s'il vous plaît. Si vous voulez, vous pouvez attendre devant chez lui. Je vous envoie votre camarade, il viendra vous voir. Mais vous pouvez pas. Non, non, je veux pas, Si j'ai même des pour raisons de votre penser sécurité. qu'il est en danger, j'attends un petit peu, mais sinon je rentre. Non mais écoutez, j'appelle Florent, je vous l'envoie direct. Ok, vous bougez pas, vous pouvez pas y aller tout seul. Ça marche, mais faites vite. Ok. Du coup, Florent, ton téléphone sonne. Baudet. Bon, ok, c'est la merde. Mais ça, vous le savez déjà. Ouais. Arthur vient de m'appeler. Il est chez un pichon, là. A priori, Ouais. votre suspect. A priori, il aurait des indices comme quoi ça pourrait être votre homme. A priori, il serait spéléologue, ou que sais-je. Et il a décidé de rentrer à l'intérieur. Bon, j'essaie de le calmer parce que sinon il va tout foutre en l'air. Donc, s'il vous plaît, il faut filer là-bas, retrouver de là-bas et j'essaie de voir de mon côté pour vous trouver un mandat. Ok, ça marche. Et calmez-le parce que je veux pas qu'il foute la merde dans cette enquête. Ouais. Poum. accroche. C'est quoi, Flo? Ouais, il faut qu'on ait un joueur d'Arthur, apparemment, il va rentrer par effraction quelque part. Ah! On va trouver les trucs. Toujours mon calme, hein, et puis je sors une cigarette, j'allume. Hein, banal. Voilà, tout en roulant. Hein. Allez, go, go, bon. Flo, allez, bouge ton cul. Ouais, bah tu connais la circulation à Paris, hein. Ouais, ben bah, on va mettre les gens. Appelle Arthur, dis-lui qu'on arrive. Du coup, Aki a posé une question intéressante dans le... dans le chat, savoir si du coup Pichon était dans la liste des acheteurs. Oui. Eh bien, exactement. Parce que oui, Pichon est bien dans la liste des acheteurs. Évidemment. Et d'ailleurs, après des recherches un peu plus poussées sur les différents achats et différents trucs que tu as fait Daima au cours du temps, tu te rends compte que c'est également Pichon qui a réceptionné a priori Katia Miloskeya devant le Royal. Ok, on va chez lui. Devant l'hôtel. Suspect numéro 1. Ok, on se casse, on va chez lui. On fonce. C'est un fan de chat. Moi je reste au labo, je suis pas une enquêtrice de terrain. Ok, voilà, bah là je mets le gyro en fin de compte. Hein, vous... voilà. J'y vais à fond. Vous recevez tous la photo de Benoît Pichon sur vos téléphones parce que Emma vous l'a envoyé. Merci Emma. T'as ton arme, Fab ? Il était 4K. Mais il a pas d'arme, Fab. J'ai pas d'arme, c'est la position scientifique. C'est la okay, position regarde scientifique. Regarde dans la boîte à gants. Ok. Il est dans la boîte à gants. Que vois-je ? Je pense que je dois avoir une deuxième arme, à mon avis. Voilà. J'assurerai avec mon père, mais... enfin, une grosse AK. Un 9mm classique, police, voilà. Tu crois vraiment que je dois... En fait, je prends l'arme, je fais... Voilà, tu recharges comme ça, t'enlèves le clan de sécurité comme ça. Hop, tu vises avant de tirer. Ok. Oui, bon, bah, oui Emma, okay. Je t'écoute. Attends, je laisse finir. Mais pendant ce temps-là, vu que moi je reste au labo, je vois pour avoir les autorisations pour tracer le téléphone de Pichon, etc. et localiser. Et si à un moment il ne capte pas, justement, trianguler un peu, savoir dans quelle zone il peut se trouver. Hein. D'accord, ça marche. Et du coup, j'en profite pour lui demander si maintenant qu'on a la photo de quelqu'un, en fait, d'aller voir mon pote Abdel, voir du coup, peut-être qu'on peut lui montrer la photo. Alors du coup, tu quittes le domicile. Ouais. Ah non, bah j'appelle, on a reçu les trucs et tout par téléphone, j'appelle. Ah donc tu l'appelles et tu envoies la photo à Abdel, d'un suspect numéro 1. Non, je dis pas ça. Genre, regarde, c'est lui. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je non, dis rien. Que j'appelle Emma et je lui dis... que maintenant qu'on a une photo, parce que vu que à l'épicerie, on m'a dit que quelqu'un avait effectivement payé un petit dans la carte, mais que c'était pas la personne que j'ai montré, donc c'était pas, Baron. Je lui ai dit, si jamais on a une photo, on lui montre, pour voir avec lui. Donc si jamais elle a du temps à un moment, elle peut essayer d'aller voir du côté d'Abdel pour montrer la photo. A priori, elle a... si elle a du temps. Du coup, je m'adresse surtout à Emma. Bah, je pense que là, j'ai tout qui est en cours. J'ai rien à... Au pire, c'est pas grave. Hein. Si on trouve que c'est lui, ouais. Mais ça servira pour le procès derrière. On aura un témoin, quoi. Ouais. Bah, si tu estimes que pour le moment, j'ai du temps et que les trucs que j'ai lancés, ça peut se faire pour moi. Je peux aller faire un crochet. Oui, après l'analyse du génome, ça peut prendre un peu de temps, effectivement. Tu as tes amis à qui tu as envoyé des trucs, eux, ils sont toujours en train de chercher. Il n'y a pas encore de résultats probants, mais ils cherchent encore. D'autorisation, ça sera pas tout de suite. Oui. Voilà, donc bah. Je vais partir en balade alors. D'accord. Dans ce cas-là, Flo et toi, Fab, vous êtes toujours dans le véhicule à rouler à tombeau ouvert dans les rues de Paris pour essayer de... Tout sur la ville. T'inquiète, je gère. Donc, je vous laisse un petit peu meubler le, le trajet jusqu'à Villejuif avec un petit peu de. Bah moi je suis concentré sur la conduite, hein. Lui il était accroché. Je suis accroché en essayant de pas mourir. Il a l'arme en main, il panique. De revoir mon arme, de bien voir comment ça fonctionne et tout. Tu m'as dit que c'était comment qu'on l'utilisait? Pah. Eh Flo, fais un jet de chance, vois si par hasard il tire pas dans la jambe par erreur. Non mais si je vois qu'il fait n'importe quoi, je reprends l'arme. Fais-moi un jet de chance. Fais-moi un jet de chance, tiens. Je suis désolé, je suis des idées. Oh non. 61. Alors, toi c'est bon. Oh mais et toi Fab, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Évidemment. Tu forces de ouf. Pourquoi? What? Oh non. T'as plus de cam? Attends, je reviens. Il a encore tiré sur ses câbles. Ça y est, il vient de se suicider dans la voiture. Il n'a pas fait exprès. Il s'est évanoui. La femme pue là. Allez, reviens avec une femme. Ah, mais fais ton jet, hein. Fais ton jet. Pour l'instant. 83. Alors. Pendant la conduite, tu manipules l'arme, tu sais vraiment pas trop comment ça marche. Tu vois que Flo s'énerve un peu parce que il essaie de t'expliquer. C'est pas compliqué. Enfin, voilà, ouais, mince, Flo. Normalement, ils ont eu quand même une certaine formation pour la police scientifique. Je suis pas. Ton micro gris de femme. Le son. Ah, le son. Ah, c'est bon. Merci. Donc oui, tu disais Fab, justifie-toi un petit peu. Non, tu veux pas te justifier. Pour me calmer. Tu te fais engueuler par Flo, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Bien sûr. Sauf que dans l'engueulade, tu te perds un peu tes nerfs, parce qu'en même temps tu essayes de comprendre, et le flingue tombe par terre. Il manque de peut-être faire un coup... Et du coup, tu as Flo qui est ultra vénère. Ah mais il ne fallait pas me vénère, ma fille. C'est le flou du groupe. Écoute, tu vas rester dans la voiture alors. Si t'es pas capable de tenir une arme, hein. Ça, on se demande pourquoi t'es dans la police. Moi, je suis pas sur le terrain, moi, de base. Enfin, je suis sur le terrain, mais pas quand il y a des... Bref. Oh, c'est bon, tu me saoules. Non, mais c'est moi qui te saoule. Alors que c'est toi qui lâches l'arme, qui sait même pas le tenir. Hein? Oh! J'y peux rien, moi, si t'as des knacks à la place des doigts! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh! Hey, quand on a des pains au sucre à la place des mains, bah on a l'habitude de tenir des armes! Hein? On se demande comment t'arrives à tenir un stylo aussi! Putain, moi, c'est un ami! C'est pas tueur de gens! Non, mais. Je te ferai voir. Arrête de fumer aussi, c'est toxique pour les gosses. Je lui crache à fumer dans la figure. Yes, excellent. Pas d'avion. T'es dans ma voiture. Faut que je te prendre à la tienne. Et tout ça. Cette dispute qui dure jusqu'à ce que vous arriviez et 24 rue Voltaire à Villejuif. Vous voyez le véhicule d'Arthur qui est stationné non loin de là. Vous vous garez juste derrière lui. Vous voyez qu'Arthur est dans son véhicule qui est en train de bidouiller son téléphone portable. Joue à Tetris. Et d'ailleurs, Arthur... Oui, il est redescendu, en fait, il est devant, en station, devant la porte, quoi. Enfin, devant l'immeuble. Il est devant le Digicode. Ouais, après, quand je suis arrivé à proximité, hein, j'ai coupé gyrophare et sirène, hein. Enfin, j'ai rangé le gyro, vu qu'on avait des voitures banalisées, hein. Donc j'arrive, et donc, je vais au niveau de sa voiture. Ça, vous êtes là? Ouais. Bon, on n'est que deux, hein. Je le dis tout de suite. On a un premier suspect. De ce qu'on m'a dit, donc Donc, oui, c'est le chauffeur, et apparemment il serait un dingue de spéléo, par hasard. La musique, Décidément, les spéléos, ils sont bien là pour nous faire chier. On a un mandat ? Non, mais j'ai cru entendre des cris. Non, mais au même moment, c'est vrai que quand tu dis ça, tu as un texto au flot de ton patron, commissaire, qui vous dit c'est bon, allez-y, le mandat est présent. Enfin, et le mandat est là. Ok, bah moi je me dirige vers les Amazones. On y va du coup. Je sors aussi de la voiture. Hein. Du coup, bah j'imagine que toi Arthur, tu rappelles la dame, enfin madame Flavon, qui t'ouvre la porte, y a pas de problème. Vous arrivez donc du coup devant la porte de Benoît Pichon. Je porte le flingue littéralement comme ça. Sonnez, hein, tapez à la porte. Police, ouvrez. Défonce la porte, hein. Rien ne se passe. On va défoncer la peau, défoncer. Voilà, hein. Alors, défonçage de porte. Qui le fait ? Mais c'est une grosse porte, c'est genre porte blindée. dans une maison. Ça a l'air d'être une porte classique. Enfin, elle est pas blindée, mais elle est pas. C'est pas une porte pourrie, quoi. Enfin, c'est une porte. Enfin, tu vois que c'est pas une porte sécurisée avec des verrous de malade, tu vois. Ça marche. Sauf que voilà. Donc, qui le fait ? Un bon coup de pied dans la porte. Vas-y. Moi, je reste en arrière en fin de Fais-moi compte, un jet de force. Au niveau de l'entrée. Ouh, ça passe tout juste. Oh bah. Monsieur. Donc, tu vois, Arthur, tu mets des coups au niveau de la serrure. Boum. Poum, tu vois que ça résiste quand même pas mal. Tu dois y aller au moins 3, 4, 5 fois à peu près pour que vraiment la porte cède. Et tu vois que quand même, tu t'es un petit peu fait mal au genou parce que à force de taper, ça t'a fait un peu mal. Mais au bout de 5 coups, la porte te cède. Et tu vois que dans un grand fracas, et la porte, tu vois qu'elle s'ouvre. Entre en premier l'arme au poing. Je le suis. Et moi je suis toi, derrière. Et toi Fab, comme ça tu es Fab ? Je dis à Fab de rester là. C'est la main tiens quoi. J'ai peur d'être là. Reste là. Donc Fab reste là. Fab. Donc Fab reste là. Mais je note que Fab est comme ça. C'est tout. Donc tu rentres à l'intérieur. Les premières choses que tu vois d'ailleurs, t'es pris par une bouffée, tu sens que ça sent le renfermer. T'as l'impression que ça fait quand même plusieurs jours que peut-être les fenêtres ou la porte n'a pas, enfin l'appartement n'a pas été ventilé, hein, donc ça sent un peu le renfermer. En fait, tu arrives l'entrée, tu vois que la première chose que tu vois, c'est une espèce de couloir qui part vers enfin, quand tu regardes en fait devant toi, ça te donne sur un miroir qui doit être à 5-6 mètres de toi. Donc tu te vois en fait avec ton arme au poing. Et tu remarques donc y a une porte à droite et à gauche quand tu rentres. Je signe à Flo qu'on en prend pour chacun une porte. Donc tu vas sur quelle porte, Arthur ? Au hasard, je vais aller à gauche. À gauche. Alors, tu commences à aller à gauche. Tu remarques d'ailleurs au passage que il y a des chaussures qui sont posées un peu n'importe comment devant l'entrée, et plusieurs paires. Il y a un petit meuble juste devant vous dans le coin où est posé un peu le fameux bol où il y a que des conneries dedans, des trucs où tu jettes. Tu jettes tout ce que tu. Toutes les merdes que t'as dans les poches. Pièces, les vis de trop, les mobilités. C'est ça, voilà. Et quand tu rentres, du coup, à gauche, donc la porte est ouverte, et tu tombes sur un salon. Le salon est. C'est le bordel. C'est pas rangé, c'est tout crade. Clairement, tu sens que C'était le gars, genre, qui vit tout seul, mais qui prend pas soin de lui, qui, non, il en a rien de la foutre du bordel. T'as des paquets par terre, des canettes vides de coca, des boîtes de pizza entamées, où là, t'as l'autre, des tranches qui commencent à pourrir à l'intérieur. Une télé. Bah, j'inspecte le périmètre, je suis sûr que soit qu'il n'y ait personne. Mmh. Ouais, j'essaye de m'assurer justement que l'appart est vide pour faire plus de recherches. J'espère quand même tomber sur lui, mais. Prenez des gants, tenez. Genre, jette des gants. Pas pour le moment, là, tu Là, pour l'instant, jette des gants. On sécurise. On sécurise les lieux, hein. Bah tu regardes un peu donc là ton regard n'est pas forcément pour trouver un indice mais vraiment pour être sûr déjà qu'il n'y ait pas de danger directement. Ouais, pour le moment. Et effectivement tu vois que dans ce salon et bien a priori il y a pas de problème et tu vois d'ailleurs que sur la gauche du salon il y a une autre porte qui elle est fermée. Pendant ce temps-là, toi, Flo, tu pars, j'imagine, sur la porte de droite. La porte de droite, c'est ça. La porte est fermée, mais en fait, c'est ces portes où, tu sais, au milieu, tu as une espèce de vitre, mais c'est un verre... pas fumé, mais tu sais, tu vois pas au travers. Tu vois la lumière, c'est lumineux, oui. Mais tu vois pas dedans, en fait. C'est tout flou, en fait. Oui, je vois. Ouais, fumé. Bah je me mets sur le côté, j'ouvre la porte, hein, déjà en grand, je la pousse. Hein. Ok, bah tu pousses la porte tu jettes un œil vite fait, j'imagine. Bah c'est ça. C'est une cuisine. Bah j'inspecte, hein, je regarde s'il y a... Cuisine, pareil, bordel, la vaisselle posée n'importe comment, ça fait peut-être deux semaines, voire plus... que la vaisselle n'a pas été faite, il y a de l'eau moisie, croupie, ça pue, c'est moisi, t'as de la bouffe dans, enfin voilà, si tu regardes dans le frigo, tu vois que la bouffe est moisie à l'intérieur, c'est tout dégueulasse. Mais en jetant un œil, tu vois que il y a pas de danger particulier. RAS. Le couloir continué ou... Le couloir, effectivement, continue un peu plus loin. Et, Je vais continuer le couloir, moi. Ok. Et toi, Arthur, qu'est-ce que tu fais? Bah, s'il n'y a rien d'intéressant dans la pièce, je vais vers la porte que tu m'as indiquée. Bah après tu peux cette fois-ci si tu veux chercher quelque chose dans la pièce tu peux là c'était plus de la il reste encore une porte que je checkais. D'accord. Donc, tu te présentes dans la porte la porte est fermée. Eh bien bah je mets mon arme en avant, c'est une porte qui se tire, qui se pousse. Tu vois que il faut tourner la poignée et pousser la porte pour qu'elle s'ouvre. Ok, bah je me mets bien sur le côté aussi, de manière à ce que j'ouvre, je puisse voir directement ce qu'il y a en face et l'arme devant. Tu pousses la porte, et là t'es pris d'une par une odeur dégueu. Ça pue. Et tu vois que la pièce est complètement plongée dans le noir. Mais que tu vois pas bien en fait. Tu vois, a priori, il y aurait une fenêtre, mais les stores sont tirés, fermés complètement, ce qui fait que tu ne vois. Tu cherches l'interrupteur tu tâtonnes, voilà, et tu finis par trouver le bouton. La lumière ne s'allume pas. Oh la loose. J'ouvre en grand. Je fais police. Il y a pas personne ne répond. Personne ne répond. Bah, je fais attention, j'essaie d'aller assez vite vers les rideaux pour les ouvrir. Arthur, okay, ça va? Ok, tu te dépêches tu vas pour ouvrir les rideaux. Et donc Flo, du coup, tu es dans le couloir. Et qu'est-ce que tu veux faire exactement dans ce coup-là? J'ai avancé. Tu avances. Ce qu'il y a, hein, c'est à toi de me dire ce qu'il y a. Mais non, je sais, j'ai pas su. Enfin, bref, tu vois que il y a encore une porte sur la droite. Celle-ci est fermée Ouais. C'est la seule porte après. Il y a rien d'autre. C'est la seule porte. Okay. Tu remarques peut-être sur ta gauche qu'il y a a priori peut-être un placard, tu sais, qui sont encastrés dans les murs là. Ok, bah me mets sur le côté et puis j'ouvre la porte, hein. Comme okay, pour la porte de la cuisine. Tu ouvres et tu vois une salle de bain. Salle de bain qui est complètement à l'abandon. du gel douche qui est tombé un peu à l'arrache. Le rideau qui est à moitié arraché, tombé, je sens que il s'en est jamais vraiment occupé. Et tu sais, cette petite fuite que souvent les gens ils peuvent avoir où ça goûte tout doucement. Et que ça fait une petite flaque d'eau dans le fond de la baignoire. Mais bon, t'as l'impression quand même qu'il devait pas, il a pas dû venir souvent ici depuis quelque temps. Mais rien, pas de signe de vie, rien de plus. RAS. Et du coup, bah, je reviens vers Arthur, okay. Hein, parce que lui, j'ai toujours pas entendu. Donc, Au moment où tu ouvres les rideaux, tu ouvres les rideaux. La lumière, en fait, tu t'étais habitué un peu à cette pénombre. Du coup, la lumière vient te t'éblouir un petit peu. Et c'est au moment où tu vois que eh bien, dans cette chambre, eh bien, c'est juste des affaires qui sont sales. Tu sais, genre, ça fait. Il se tend que ça s'est pas lavé. Il y a des monceaux de fringues qui puent. Ça sent les chaussettes. Le lit, il est pas fait. Ou alors, il n'y a même pas de drap. Tu vois des coussins qui sont tombés par terre. Pareil, de la bouffe. Des pizzas, du coca, enfin tout ça par terre, et que en gros c'était un gros porc. L'odeur, c'est qu'il pue des pieds. L'odeur, c'est voilà, c'est le linge qui en gros, tu sais, enfin ce qui était très sale en fait, il y en avait tellement que ça se donne cette odeur de, tu sais, de linge sale, mais vraiment quand il y en a beaucoup quoi. C'est pas genre il y avait pas juste une paire de chaussettes, c'est vraiment genre côté, limite. J'ai toutes les pièces. Là, en gros, vous avez quasiment checké tout l'espace qu'il avait. Salon, une cuisine, une chambre, une salle de bain. Et à côté, sur les salles de bain, t'avais des toilettes classiques. Et de mon côté, j'ai pas vu de porte. Là, pour le coup, de mon côté, j'ai tout. Non, là, il y a plus de porte. Dans ce cas, je crie RAS aussi. Donc, a priori, l'appartement est clean. Il n'y a personne à l'intérieur. Clean, c'est vite dit, mais. Clean, dans le sens où, de ce que vous avez, il n'y a personne pour vous. Ouais. Okay, on va ranger nos armes, hein. Fab, tu peux venir. Ok. Donc, je range mon arme et j'avance et j'essaie de scruter tout ce que je peux scruter et je me mets un petit bandeau sous le nez. Un petit bandana. Pour l'odeur. Ok, donc du coup, je vous fais juste un petit jet de search, s'il vous plaît. Tous les trois? Oui, oui, bah, si vous cherchez. 86 pour moi. Oh, mais putain, ouais. Là vous êtes pas en veine, hein, ce soir. Non, pas ouf. Hein. Ça pue. Tout ce qu'on trouve. Ah, vous êtes dur. Autant il y a deux semaines, vous me faisiez des jets de la folie qui tue. Là, ce soir, du coup, vous cherchez un peu dans ta gauche dans ce bordel. Honnêtement, ça vous enchante pas de mettre la main dans toute cette saleté. Bon, je pense qu'on a déjà vu pire. Hein. Oui, mais bon, c'est pas scientifique. Enfin non, à la Crim. Non, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est pas quand même quelque chose que vous aimez faire non plus, tu vois, c'est pas GG. Ensuite, vous trouvez quand même pas mal de bouquins, effectivement, de spéléo. Mais il n'y a rien de spécifique qui pourrait vous intéresser là-dedans. Honnêtement. Pardon? Je cherche quand même s'il n'y a pas son matos de spéléo. A priori, vous avez cherché dans tout l'appart. Ce serait pas là en fait. Vous n'avez rien trouvé qui pourrait ranger un local. Enfin, dans l'appartement lui-même, des endroits où il y aurait ses affaires de spéléo. Perso, moi, je vais prendre des photos d'un petit peu tout l'appart et je vais envoyer ça à Emma pour les preuves et tout. Tu nous as parlé d'un miroir, en fait. Oui. Je vais regarder si pas quelque chose de caché derrière le miroir. Je sais pas, un accès ou autre, je ne sais quoi. Alice derrière le miroir. Non, mais qu'il n'y a pas une porte dérobée, qu'il aurait masqué ou autre. C'est plutôt à ça que je pense, pareil dans le fond du placard. Tu vas vers le miroir, tu touches un peu partout. Et dans un premier temps, c'est un miroir. Tu essaies de le tirer, de le pousser, rien ne se passe. Bon, à un moment donné, ton regard se penche vers le bas. Et tu remarques que y a la plinthe où et le miroir, en fait, en dessous du miroir, elle est un peu défaite. Et tu tires dessus. Et tu trouves une clé. Une clé classique. C'est pas une clé comme vous avez eu avant, c'est une clé de serrure ou de cadenas ou quelque chose comme ça. Une clé qui a des plus classiques. Prends des gants, Flo. Oui, bah, on met toujours des gants. Hein, à ce moment-là, toi, Emma, tu reçois de ton côté les photos que Fab vient de t'envoyer de l'appartement. Donc un joli appartement meublé. Tout ce qui pourrait être intéressant pour le louer. Hein. À Ville Juif. Une ville où il fait bon vivre. De ton côté, eh bien, tu reçois quelques trucs, enfin quelques réponses par texto, puisque comme tu es toi parti essayer de questionner Abdel, on te dit que ils ont peut-être un truc sur cette secte machin, mais ils t'envoient un mail. Et pour te dire, mais peut-être que c'est pas intéressant, mais voilà, bref. À ce moment-là, toi, tu es proche de chez Abdel, tu te gares dans la rue, et te voilà chez Abdel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes Abdel. Vous êtes bien charmante, merci. Oui, oui, c'est moi, bien sûr. Qu'est-ce que puis-je pour merci. Vous C'est Arthur qui m'envoie. J'ai une photo à vous montrer. Une photo. Vraiment? Vous avez une photo pour moi? Oui, il m'a dit que peut-être si je vous montrer une photo, peut-être que vous pourriez reconnaître. Ah, pour son histoire de... D'accord. Oui. D'accord. Ok. Alors, vas-y. Lui tend la photo. Si. Lui, je l'ai déjà vu. Ça, c'est sûr. Là... Celui-là, oui, je l'ai vu. Il était bizarre, d'ailleurs. Hein. Là, oui. Ah, bon ouais. Il avait, vous savez, la tête des gens bizarres, là. Il cache quelque chose, tout ça. Je crois, lui, il est fort. Il a dit quelque chose. De quoi? Il a dit quelque chose? Non, rien. Il a pris son truc, il a payé. Au revoir. Bonsoir. Il était tout seul? Oui. J'ai vu là, il avait une petite Mercedes là, bien comme il faut, garée devant là, noire. Un bon modèle, j'avoue là, j'aimerais bien pouvoir Mais j'ai pas les moyens, ouais, vous voyez, je roule en 504. Mais Ouais, mais ça Mercedes, roule, oui. c'est déjà bien aussi. Ah si, ouais, mais Mercedes, si je vais comme ça au bled, je suis le roi du pétrole, hein. Abdel avec une Mercedes. Un jour peut-être. Ah, j'espère. C'est pour ça, peut-être vous allez en profiter pour m'acheter quelque chose. Vous avez des monstres? C'est bien sûr. Je vous en prends Il a trois canettes. touché Abdel. Voilà. Et je vous offre la troisième. Parce Ah, que vous vous êtes êtes la obligé. copine d'Arthur. Eh oui. Ça me fait très Il plaisir. n'aura pas bientôt sa Mercedes s'il continue à faire des Ouais. trucs comme Mais ça. non, Ouais, c'est ce que j'allais mais. dire. C'est En comme fait, ça? les deux, C'est. tu Je les peux pas payes le accepter, c'est prêtise gentil, mais ailleurs. je peux pas. C'est ça le truc, En c'est plus, que tu me dis la pas. canette, tu la payes pas le prix de chez Carrefour ou chez machin, tu la payes super Ça. cher. Voilà. Mais comme ça, vous allez revenir. Ah, vous en faites pas. On reviendra, on aura besoin de vous pour Pour identifier acheter des formellement choses. ce Ouais, monsieur. mais voilà, si vous pouvez faire un peu de pub. Vous en faites pas. Merci, Je mettrai une merci, merci. super note sur le Google Maps. Ah, c'est gentil. Mais c'est Louis. Louis, je vous livre. Ça, c'est sûr. Louis l'a dit. Je crois vraiment quoi. Il faut croire à Abdel. Abdel, il connaît les gens. Lui, à mon avis, il y a quelque chose de bizarre. Il a quelque chose de bizarre. Et il est reparti direct en voiture après Oui, bien, ou bien, bien vers sûr, quelle bien sûr. direction? La rue du chemin vert, elle est en sens unique. Alors, par Ah. là. Ok. Je suis un peu Rappelle. déçue. Mais du coup, j'ai l'heure, j'ai le modèle de voiture. Je vais pouvoir aller fouiner du côté des Alors, caméras. le modèle de voiture, je vais te donner ça tout de suite. Parce qu'Uber, ils ont dû me le communiquer aussi en vrai. Ouais, aussi. Avec Mais les du coup, plaques et tout, donc. ça colle bien. C'est une Mercedes classe C noire modèle 2018 avec vitres teintées. Ok. Alors, Bonjour, bah. madame. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Abdel. Merci, bien à vous À également. Au bientôt. plaisir de vous revoir. Avec plaisir. Et sur ces entrefaites, bah, je vais bah, retourner à mon labo pour avoir accès aux caméras pour essayer de suivre le trajet de la voiture morceau par morceau de route. D'accord, ben du coup tu vas me faire Enfin, si j'ai tu vas pas me eu ces accès géolocalisés, enfin, si j'ai pas eu l'autorisation pour l'accès sur son téléphone. Bah en fait là tu te rends compte que le téléphone sur ce que t'as eu les accès, mais tu vois que ce téléphone en fait il a quasiment jamais bougé les soirs enfin les soirs de a priori où il aurait dû bouger. Donc il est resté quasiment tout le temps Chez lui. 24 rue Voltaire à Villejuif. Attends, je vérifie un truc. J'envoie un texto à mes potes là pour leur dire est-ce qu'il y a une cave? Flou, non, Fab, tu reçois un texto de Emma qui te Ouais. dit, est-ce qu'il y a une cave? Bah, est-ce qu'on a vu qu'il y avait une cave ou... Vous n'avez pas forcément cherché à savoir s'il y avait une cave, mais effectivement, si vous cherchez, eh bien, au sous-sol, vous voyez que en fait, l'escalier ne continue après le rez-de-chaussée, et en continuant, eh bien, effectivement. Il y La a un question. accès La cave. à donc il y a quatre portes. La question est, est-ce que le mandat inclut la cave? Logiquement, oui. Bah je fais. Je leur dis à Flo et Arthur. Je leur fais passer le message, quoi. Bon, ok. Reste là, on va aller voir. Bah, on va descendre, ouais. Le gars, c'est le boulet. Je, je les suis. Ne vois pas. Prends la poche hein, pour la cave. Ok. Vous arrivez. Bah, j'imagine que c'est des cadenas. Exactement. Vous avez quatre portes avec des cadenas. J'essaie avec... la clé que je viens de trouver. Tu insères la clé. Le cadenas s'ouvre. Derrière toi. Avec la magnifique musique. Ta-na-na-na. Ok, bah... On va ouvrir la porte, hein. Tu ouvres la porte, effectivement, et tu vois, en passant la lampe sur le fond... À mon point, hein. Voilà, ah, oui, à mon point, j'imagine. Du matériel de Spéléo. Voilà. Du matériel très bonne qualité. D'ailleurs, tu crois reconnaître les mêmes pitons que vous avez pu trouver dans les catacombes. Un gros sac où des cordages sont posés, des chaussures, des mousquetons, un casque avec la lumière là dessus, la lampe dessus, des tenues, différentes tenues, même pour pouvoir aller dans l'eau. Oh, oui. Tu trouves même des bouteilles pour de la plongée. Et tu trouves un petit coffre sur le côté. Fermé. C'est quel genre de serrure ? Il y a un petit cadenas tout riquique. Enfin, c'est vraiment c'est petit. Ouais, non, quoi. Mais ça pourrait pas être les clés qu'on avait trouvées dans le cadenas. Non, clairement, non, c'est pas ça. J'essaie la clé, mais là, je pense pas que ça fonctionne. Hein. Ça rend pas, tu vois que la clé est trop grosse pour le cadenas. On va péter le cadenas, hein, je veux dire. Voilà. Une autre porte, c'est ça, t'as dit ? Non, mais c'est qu'il y a une pièce, c'est une cave, donc il y a juste la pièce. Trois autres caves, t'as une cave par appart. C'est ça. Et puis tu peux avoir un local pour ranger d'autres choses que. Voilà quoi. Donc je vais péter le cadenas, hein. Voilà, hein, je prends. Donc, tu pètes le truc, hein. Tu pètes le cadenas, et là tu tombes sur des. Bouquins, mais anciens. Genre très anciens. Des trucs en. Des couvertures en cuir. Enfin, des couvertures en cuir. Mmh. Avec de la broderie dessus. Ils ont l'air un peu abîmés. Mais voilà, quand tu tournes la page, tu sens que ça craque. Ouais, j'aspecte pas plus de bouquins. Je prends le coffre et puis. On va donner ça aux scientifiques. D'accord. Ça va de regarder ça plutôt. Ok. Bon, t'en penses quoi ? Tout se gagne. Bah, on va fouiller quand même, hein, voir. Parce que, voilà, il a un autre endroit où il fait ses trucs, clairement. En tout cas, si c'est pas lui, c'est un complice. Oui, je pense pas qu'il soit seul, perso. Et du coup, il faut qu'on trouve où il est. Je pense pas qu'il agisse seul. Ouais, surtout qu'il y a plusieurs combinaisons dans la cave. On va fouiller, hein, comme dit, en plus de la pièce. Hein. On va me dire, on cherche des indices de savoir où est-ce qu'il pourrait être. Un plan, une carte, peu importe, voilà, une adresse. Bah après, quand tu as regardé le coffre, justement, tu as vu des livres. Et parmi ces livres, tu es tombé sur une carte. Et cette carte était ce que tu penses être probablement un plan d'une zone des catacombes. Tu ne saurais pas forcément dire où exactement. Mais de la façon dont c'est amené, les descriptifs, le visuel, la façon dont c'est fait, tout laisse à penser que ça pourrait être un endroit dans les catacombes de Paris. Ok, il faut trouver où c'est. Il n'y a pas d'autre indication qu'il aurait griffonné dessus ou autre. Non, après, je pense que c'est vraiment le peut-être l'étude de tout ce que vous avez trouvé en détail, ah, peut-être, ouais, qui pourrait vous aider. Mais là, comme ça, là, dans la cave, avec le coffre, c'est compliqué de... surtout qu'il y a des choses que tu comprends pas forcément. T'as entrevu un petit peu ce qui est écrit, mais tu vois que les livres, ils étaient pas écrits en français, mais plus en latin. Donc c'est des livres qui sont plutôt assez vieux et genre à manipuler avec précaution parce que... C'est pour ça, je pense qu'on va faire sécuriser les lieux par des agents. Les agents de police, hein. Je suis curieux. Ouais, non, mais on va étudier ça au labo. Tu vas pas faire dans ça dans une cave. Dans la voiture, hein. Comment ? Je vais prendre les bouquins, je les mets dans un grand sachet que j'ai toujours sans moi. Bah, j'ai pas ça, je les ai dans le coffre. Mais non, mais il y a un coffre pour les. Ils sont rangés dans un coffre. Tu prends le coffre. Quel coffre ? Dans un coffre. Je crois qu'ils étaient besoin d'un coin, d'accord, autant pour moi. Non, ils étaient rangés dans un coffre. Dis à Emma qu'elle nous rejoigne et ouais, je l'envoie au labo. Bah du coup, Emma, tu reçois le message de Fab qui te dit qu'effectivement... Après, tu peux l'appeler, Fab, hein. Tu peux lui dire directement, hein, si tu veux. Ça m'évite... Mais tu peux lui dire... Vas-y, dis-lui. Lui. Bah dis-lui. Ah bon. Cave... Ultra chelou avec du matériel de spéléo. D'accord. Il y avait pas d'accès par hasard. Non, a priori, il y a aucun accès. Je suis déçu. Des vieux livres chelous poussiéreux, des matières de spéléo de très bonne qualité. On va les emmener au labo. Yep. Encore du boulot pour nous. C'est ça. Donc tu te rends, du coup, toi, Emma, au bureau pour récupérer un peu tout ça, tu vas un peu le sourire aux lèvres, tu vas encore avoir du taf. Et puis... Tu mets trois monsters. Oui, en plus, c'est vrai que t'as du carburant. Et sur le trajet, Flo, Arthur et Fab, donc vous avez repris vos véhicules. Toi, Arthur, t'es plutôt satisfait que toi, quand même. Parce que t'as eu le flair. Après, voilà, tu sens que ça peut être une bonne chose pour toi. T'as peut-être tu t'es pris un bon point. T'es en train de conduire. Parce qu'il m'apporte le plus, mais ouais. Alors, moi, j'ai rendu son arme à Flo avec dédain et je suis monté avec Arthur. Ok, d'accord. Donc, vous êtes tous les deux dans le véhicule. Arthur, peut-être tu parles avec Fab de différents trucs, enfin voilà, de l'enquête. Alors que ton téléphone se met à sonner, mais tu reçois un texto. Est-ce que tu le lis ? Je demande à Fab de me le lire. Parce qu'il est là. Je le lis avec plaisir. Quand tu lis le texto, Fab, tu vois écrit dessus d'un numéro inconnu, anonyme, il n'y a pas de numéro affilié avec. Et si je vous disais que je sais qui les a tués ? Et si je vous disais que je sais qui... Tu reconnais ce numéro ou pas ? Je lui dicte le numéro. T'as pas fini ta phrase, hein, donc soit je sais pas. Oui, non, mais... Bah, termine. Je sais plus ce qu'il a dit. Bah, en fait, qui les a tués ? Après, tu vois, il y a des espèces d'initiales, et... Il y a un mot qui pourrait... Qui est spécifique un peu aux Anglais... dans l'argot, alors je vais pas le citer, mais qui pourrait faire penser à Daddy. Hein ? Dans le message ? C'est quoi le message, clairement? Ouais, c'est... si je vous disais qui les a tués, et en fait, après, t'as un... Bon, je vais dire Daddy. Il nous appelle Daddy? Enfin, ça finit par... ça finit Daddy. Mais voilà. Daddy. Arthur, t'as des enfants? Je te dépose, je dois aller voir quelque chose. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Arthur? Tu connais quelqu'un qui pourrait en savoir plus sur l'enquête? C'est une autre enquête. Encore? Pareil que Flo? Ouais, il est en train de jouer avec nos nerfs et ça va pas me plaire du tout. Dis-moi tout. Dis-moi tout avant de foncer tout baisser. C'est... Ce qui m'a fait mourir dans la police, c'est... C'est l'assassinat de mes parents. Le meurtre de mes parents. De la même manière que ce connard connaît le passé de Flo et joue avec, il fait pareil avec le mien. Ok, logiquement, on serait les prochains. Bon, viens avec nous au labo, on va parler de ça avec tout le monde, et puis on va aviser. Je dis rien, je continue à conduire. Okay. Et c'est sur ça que on va devoir s'arrêter, parce qu'il est déjà minuit 15, et que demain je me lève très tôt. Est-ce que j'ai le droit de lire mon mail avant? Exactement, si tu veux. Tu S'il peux te lire plaît. Je te lis le mail. Alors, effectivement, tu regardes le mail qu'on t'envoie. Et un de tes contacts te dit qu'il a effectivement trouvé une alors, c'est une secte ou un groupement de personnes qui auraient été au XIIIe siècle, qui auraient sévi au XIIIe siècle. Et... qui s'appellerait l'ordre de l'infinité et qui aurait du coup cherché à trouver un moyen de rendre de trouver d'avoir l'immortalité. Cet ordre-là a été complètement exterminé par la chrétienté, par l'Église pour hérésie. Et les noms ont été effacés. Ils ont tout fait pour effacer, pour que personne ne parle plus jamais de ces personnes-là. Du coup, c'est devenu un mythe. On ne sait pas vraiment s'ils ont existé ou pas, ou ils ont des recherches qui ont été faites, mais on ne sait pas vraiment si ça aboutit. Pourquoi ils ont été exterminés par eux, si c'est le cas. Des sectes à cette époque-là, il y en avait quelques-unes et elles n'ont pas toutes été défoncées. Voilà. Mais ils sont l'ordre des infinités. Ok. Bon. Ça avance pas beaucoup plus. Je remercie mon pote. Wesh, wesh, reprise. Wesh. Tu me dois 15 monsters. On s'est pas cher payé. Hein. Bah ouais. Virtuel, évidemment. Voilà. Et une partie de 7 Days to Die. Voilà. Ok. Aïe, aïe, aïe. Voilà, messieurs, dames. Okay. Bah, vous avez vous avez pas mal avancé du coup, vous avez a priori trouvé un suspect plus que valable. Donc a priori tout se déroule plutôt pas mal. Ouais, du coup, ouais. Comme j'ai pas eu réussi à avoir de la géolocalisation pour retracer lui ses trajets, je vais mettre en place un système pour le suivre via les caméras dans Paris déjà pour savoir où est-ce qu'il est après, aller au moins juste après. Bah, on met sa voiture, son avis de recherche sa voiture. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Voilà. Hein. Ah, si, ça fait plus simple. En sachant que voilà, vous avez forcément, comme c'est un Uber, il doit déposer des papiers, vous avez son immatriculation. Voilà, c'est pas compliqué. Et je vais le faire dans l'autre sens aussi, je vais essayer de le retracer à l'inverse aussi pour savoir d'où il venait avant d'aller chez, chez Abdel. Mmh. Notre ami. Ouais. Ça commence à avancer cette histoire. Je crois qu'on aille faire un petit tour au cimetière quand même aussi. Yep. Ah, il y a ça aussi, c'est vrai. Tu lis des bouquins. Allez au cimetière. Il y aura peut-être des infos dans les bouquins sur le cimetière et l'ordre d'infinité. Hein. Il y a moyen. C'est possible. Après, c'est vrai que là, vous venez de tomber là-dessus. Ça peut vous aider grandement. Oh, mais c'est le plan de route de la prochaine fois. Après, oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'infos. Là, vous avez clairement très bien avancé. Vous avez beaucoup d'infos. Après, c'est le temps de traiter toutes ces infos parce qu'il y a eu pas mal de trucs. Et là, la combinaison des agents de terrain avec les agents de labo. En fait, comparé à la semaine dernière, d'un coup, on s'est vraiment axé sur tout ce qu'on pouvait, donc que ce soit les vêtements, vraiment tout retracer ce qu'ils ont fait, des disparitions, des trucs comme ça. On a vraiment tout exploré là. Et ouais, on a trouvé des pistes assez rapidement finalement. Mmh. C'est ça. Bah, du coup, dites-moi vos retours. Est-ce que ça a été un peu mieux que la semaine dernière ? Ce qui a été, ce qui n'a pas été, que je peux améliorer ? Bah, il y a eu beaucoup moins de longueur. Ouais. C'est beaucoup plus fluide. Et c'était plutôt cool. Hein. Bien enquêté. Si on s'est pas mal dispersé, t'as quand même réussi à bien maintenir le rythme tout en gardant un petit suspense à chaque fois sur les trouvailles de chacun. Alors, t'as bien laissé mariner le fait, j'ouvre la pièce, elle est toute sombre, ça pue, je me suis dit, oh là là, il va y avoir un cadavre, on va trouver le mec mort et tout. Non, non, ça pile de chaussettes. Mais du coup, t'as bien fait rythmer le truc. J'ai bien aimé. Moi, ouais, c'est cool. Flo ? Enfin, Oshad ? Non, mais c'était sympa, ouais. Comme dit, il y avait un peu plus de rythme. Hein. Après, c'est l'enquête, le fait que on est chacun de notre côté qui fait que chacun a son petit moment. Mmh. Donc ça en soi, ça roulait. Attention, des fois tu te perds un peu dans des descriptions. Je veux dire, me dis une porte en fin de compte avec une vitre, on voit pas de l'autre côté. C'est pas à peine de répéter trois fois la description. Ouais. Voilà. J'ai compris. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a eu deux trois trucs comme ça à un moment où je me suis noté en fait où tu perds un petit peu dans tes descriptions. On a compris, donc tu peux enchaîner par rapport à ça. Ouais. Dommage en fin de compte où il y a 2-3 fois t'as essayé de pousser un peu en particulier Morgan pour faire du RP et puis j'ai trouvé dommage qu'il rattrape pas cette perche. Voilà, ça c'est conseil. Toi Morgan, hein, parle avec ton perso, hein, t'appelles Emma en fin de compte. Ouais, écoute, là on a trouvé une cave, hein, avec le matériel de spéléo. Là, on a trouvé aussi des bouquins assez chelous, hein, donc retrouve-nous au labo, il faut qu'on étudie tout ça. Voilà. Envoyer des mails, des textos, autant le faire sur le chat comme ça, tu vois. J'avais essayé de le faire avec toi à un moment donné, sauf que je voyais que tu me répondais pas, du coup j'étais en mode bam, ok. Alors des fois je t'entendais mal, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que des fois t'étais un peu loin de ton micro ou autre? Je sais que des fois je t'entendais mal. Non, je suis à la même distance que là, donc... En fait, le début de tes phrases, ça coupe un peu en fait. Ouais, tu dois... Bien, ta sensi doit être un peu trop haute. Tout à l'heure avec Aki. Que joue cette histoire? J'ai augmenté le gain. Non, mais c'est la sensi peut-être de Discord. Ouais, des fois si tu la mets trop forte. Et du coup, si tu parles pas assez fort, il te capte pas en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Je crois que je l'ai mis à 4. Non. Peut-être que tu la rebaisses un peu légèrement. Non, c'était plutôt au-dessus. Voilà, normalement, je crois que c'était à peu près par là. Il me semble. En tout cas, là, tu coupes plus en début de phrase. Ah, bah, c'était ça, en fait. Parce qu'en fait, voilà. Avant, étant donné que j'avais pas le câble, en fait, j'utilisais le micro de la webcam. Et du coup, j'avais remis tout le Discord comme ça. Du coup, c'était un peu chiant. Mmh. Du coup, oui, au début, en fait, j'avais essayé de RP avec toi, Chad, quand on était dans l'appartement de la Miss, là. Sauf que quand j'ai vu que tu répondais pas forcément, j'étais en mode bah, je fais quoi? Bah ouais, bah par rapport à ton histoire de drogue, en fin de compte, moi j'étais plus focus sur autre chose, donc voilà. Donc c'est vrai que là c'était dans l'interprétation de mon personnage. Après, faut pas hésiter, honnêtement, quand tu sens que tu peux faire un peu d'RP, c'est faut pas se gêner quoi. Ça donne un peu d'épaisseur au personnage, ça le rend vivant. Après, on a rarement eu l'occasion d'en faire malgré tout, parce ouais. qu'on était souvent séparés. Donc, c'est pas... ça. Voilà. C'est ça. Y a pas non plus, y a pas mort d'homme par rapport non, à non, ça. Non, mais c'est sûr. Voilà, sinon l'enquête, toujours assez sympa. Pour l'instant, on a encore quelques éléments où on sait pas encore comment les rattacher. Enfin. C'est qu'ils sont liés, mais pour l'instant on n'a pas encore de lien direct. Mais on avance, donc c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Bah après je sais pas, les gens, je vois, je sais pas s'il y a encore des gens chez moi, je sais pas si chez vous il y en a. Alors chez nous il y a des gens. Bon, il y a Marc qui vient d'arriver, mais c'est sur la fin donc il pourra pas nous dire ce qu'il en a pensé. Mais peut-être que Gris-Gris est encore là. Peut-être. Cré-Cré, il a pas trop parlé. Ah, mais j'ai même pas vu que Gurz était passé, oh là là. Peut-être Katsugan, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ceux qui sont encore là et qui ont vu une bonne partie? Esprit, es-tu là? Je sais qu'en tout cas, Grigri avait dit, je trouve le scénario très très plaisant à suivre. Ça. Et il nous dit qu'en France, ce ne sont pas des mandats, mais des commissions rogatoires, parce que monsieur est juriste, donc il sait comment ça marche. Désolé. Vous aurez des commissions rogatoires. Jamais je fais une chose, j'entends du bruit comme quoi, ah, il est en danger, je peux rentrer comme ça ou pas? Ce qu'il peut nous dire. Non. Et il précise, cela doit être signé par un juge d'instruction. Souvent, les brigades en ont des exemplaires quasi prêts à l'emploi. Ah, voilà, c'est ça que le commissaire Jambon a utilisé. Évidemment. Ah ben oui, voilà. Pichon, Jambon, Baron. Écoute, ça, c'est les noms Flavon. Qui me viennent à l'esprit. Flavon. Le prochain s'appellera Melon. Ce que tu évoques, je crois, Faro, c'est aux États-Unis, mais je suis pas sûr que s'ils entendent quelque chose ou autre, ils ont le droit de pénétrer. Ouais, je crois part, aussi. Mais... Ouais, un danger. Un gros cliché de série policière. Hein. Ah voilà, c'est ça. Après. Je suis parti sur un gros cliché. Bon après, en même temps, moi, je suis pas de police. Hein, je fais un peu avec. Bah après, on est des rôlistes, hein, donc. Je fais avec ce qu'on me sert. Hein, bon, après, c'est sûr que s'il y a des coups de feu dans un appartement alors que la police est devant, je pense qu'ils peuvent y aller. Tu vois, non, on est obligé d'attendre la commission, regarde-toi. Bon, après, on ne peut pas entrer. Ce côté très un peu casse-cou, etc., ça faisait aussi partie de mon personnage, c'est pour ça que je l'ai. Oui. Bah, c'est pour ça que le commissaire t'a un peu recadré, parce qu'il sait très bien que voilà, t'es comme ça, mais il peut pas ne pas te dire ouais, bah vas-y, rentre. Oui, bah comme moi, assez peu respectueux de la hiérarchie, hein, je veux dire. Oui, c'est vrai que pour lui dire. Tu aimes bien ton commissaire. T'inquiète, je t'appelle, je vais faire une connerie. Je te le dis, je vais faire une connerie là. Tu aimes bien ton commissaire. Bah oui, il attend de me couvrir quand je fais des conneries. Non, mais Flo, il aime bien son commissaire. Ouais. En vrai, c'est mon perso le plus sage de tous, quoi. Mais c'est vrai. C'est ça. Mais après, elle fait des bêtises, mais personne ne le sait. Pas vu, pas pris. Sur internet. Ah oui, personne n'est assez doué pour aller trafiquer ce qu'elle est en train de trafiquer. Donc forcément, voilà, c'est compliqué de savoir tout ce qu'elle fait. Mais ouais. Bon, en tout cas, ça, c'est cool. Si le scénario vous le trouvez sympa et que ça vous tient en haleine, bah tant mieux. Ça. Bah ouais, parce En fait, que. ça part pas dans tous les sens, donc il y a une trame assez Linéaire. assez précise. Non, enfin, je dirais pas linéaire parce que du coup il y a quand même pas mal Linéaire. de pistes, mais ça part pas non plus dans tous les sens. Il n'y a pas trop d'éléments, ce qui fait que on arrive de manière assez, enfin, assez efficace en fait. Enfin, ça permet d'être efficace sur la connexion entre différents trucs en fait. Et Ouais, bah après, ouais. oui. Non, je dis aussi le. Enfin, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on était souvent séparés, enfin, même en ayant été beaucoup toute seule pendant la partie et ayant beaucoup attendu aussi, quand même, en fait, enfin, je me suis même pas ennuyée, en fait, parce que c'était cool, en fait. Donc, j'ai Ouais, pas. une phase J'ai assez même chaude pas. aussi. Ouais. Bah oui, et même quand je participe pas avec vous, en fait, j'ai mes recherches qui sont, puis je chope des infos, puis je me les transmets, c'est rigolo. Bah, c'est ça que j'essaye d'arriver à faire, c'est à lier un petit peu toutes les infos que elles passent chacun avec vous et que chacun ait sa enfin, amène sa pierre dans le truc, quoi. Et donc du coup forcément, étant donné que t'es pas non plus une personne de terrain avec le flingue et tout ça, mais le vrai rat de laboratoire, ben en gros tu amènes des pièces pour les autres qui eux font le boulot de terrain. Parce qu'après, voilà, j'avais pas envie de partir dans le truc de Emma, elle va sauter avec le flingue et elle va faire des roulades et elle va Ah bah non, se. non. Parce que Bah clairement, non. c'est pas l'objectif de te rendre. Bah déjà c'est pour ça qu'à la base j'ai filé toutes les infos à Flo et Arthur quand je les ai eus pour dire bah ça maintenant c'est à vous de prendre le relais, c'est C'est votre ça. taf. Je trouve que C'est Morgane a ça. plutôt bien fait ce côté-là justement, ou un petit peu malgré lui sur le terrain. Ouais. Oui. Je trouvais qu'il enfin, voilà, il avait joué le jeu et j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, non, mais c'est vrai, Moi les flingues, c'est pas mon domaine, hein. Tu me files un flingue, je fais n'importe quoi avec. Hein. Ça se trouve, c'est toi qui sauveras tout le monde. Tu sais pas encore. Tu vois le twist! Et Fab qui fait Moi, une si ça se roulade avant passe en l'arrivée. réalité virtuelle, il y a peut-être une chance que, mais Ouais, sinon, c'est ça. non. Mais comment tu as fait? Je C'est un suis dramatique experte. en tout cas, les barres. Je suis experte en calibre 40, machin, en calibre 9 sur 7 Days to Die. Oh, c'est pas le seul jeu, hein, faut pas déconner non plus. Non, mais bon, c'est le premier qui me vient à l'esprit avec des. Enfin. Suis toujours top 1 sur Call of Duty Ouais, voilà. Sur Fortnite. Oh Fortnite, non. ouais. Sur machin, là, l'autre jeu Fortnite, là, enfin le concurrent, là, comment il s'appelle celui-là? Apex? Hein? Apex? Apex. Non, pas Apex. Comment ça s'appelle celui-là? C'est pareil, c'est du Battle PUBG? Royale. Ah Hein? oui, PUBG. PUBG. PUBG, voilà, merci, Ah PUBG. oui, PUBG. Voilà, c'est la même tambouille. Alors, il y a sur le chat, il y a Gréry qui nous précise pour rentrer, même s'il n'y a pas de mandat, c'est la cause probable. Voilà. Aux USA. Ok. Quand on entend quelque chose, mais c'est aux USA. Marc, il fait, si personne ne voit les bêtises, y a-t-il eu véritablement bêtise? Ah, je me C'est cache ça, derrière ça, hein. pas vu, pas pris, quelque Ça part, c'est vrai. ressemble plus à la philosophie de mon personnage, ça, pour le coup. Ah bah moi aussi, hein. Il y a un hyper qui dit ça parle de jeu de la. Et ouais, et Faucheur, ouais, j'ai vraiment aimé, c'était bien rythmé. Ah bah c'est cool. Tu vois? Voilà, C'est Monsieur cool. Gossed. Bah merci. Bah après voilà, là je suis plus parti sur enfin, sur des rythmes que je fais habituellement en fait. Ouais, c'était agréable J'ai parce laissé de que. côté le truc de il faut que je le fasse, il faut que ça passe, tu vois. Faut que ça En fait, rentre. c'est agréable de voir aussi que tu as pris en compte en fait ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Ah bah toujours, moi je quand Donc, les gens me disent j'écoute. et ça s'est senti en fait, même que tu t'es Mmh. repris sur certaines choses à ce niveau-là, et du coup, c'était plutôt cool. Enfin, Bah franchement, ouais. c'est important, c'est pour ça que c'est important de faire des retours en fin de session pour s'améliorer, pour corriger des trucs, parce que ben là on est toujours à tester des trucs et des fois ça marche pas, il faut pas continuer. Voilà. Donc là clairement j'ai pas réussi à faire ce que enfin j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait la semaine dernière parce que il fallait pas que je fasse rentrer tout dans une seule session. C'était pas possible, et clairement, regarde, la preuve, c'est que il en faudra encore une autre. et voilà, parce que c'est pareil, après... Un one-shot de plus de 6 heures. Non, mais après, un one-shot, c'est pas forcément une session. Mais ça, marqué, je l'ai. C'était le deuxième épisode et qu'il n'y en aurait pas un troisième, parce que c'est marqué 2 sur 2, je crois, dans la c'est com. C'est ça. Et tu t'es laissé la liberté finalement de se dire bah il y en aura un troisième et basta. Moi j'avais peur que tu rushes la fin. Ouais. Non, ouais. Et ouais, j'avais peur que là on trouve quelque chose en fin de compte et puis qu'on arrive et puis que et justement bah tu laisses ça fait une mini campagne et c'est bien. Ouais. Ouais, tu m'aurais laissé sur ma fin je pense si t'avais fini ça ce soir. Ah clair. Non mais je en fait je quelque part avant même qu'on commence je savais déjà qu'on finirait pas. Donc, Marc du coup, il fait un one shot, mais fait en 3, 4, 5 épisodes. Mais en vrai, un one shot, c'est pas forcément une session. Oui. C'est pas toujours une session. Non, moi, je fais effectivement pour moi une campagne, c'est vraiment une très très longue histoire qui a duré longtemps. Mais par ce que j'appelle personnellement un one shot, c'est comme si tu faisais un chapitre d'une campagne, mais il y a rien après en fait. C'est pour ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc après, oui, il y a plusieurs séances parce que. Voilà, ça me... Bah parce que voilà le scénario. Après c'est aussi le one shot c'est souvent un truc une expression bateau pour dire voilà j'aurais pu appeler ça scénario. On fait un scénario. Ça après cette enquête il n'y aura pas forcément de possibilité pour ces quatre personnages là quoi. Pas forcément. Après il pourrait c'est pas impossible. Après c'est en fonction de vous. Si ça vous a plu, si vous voulez que vos personnages persistent et que on continue, et auquel cas, bah, je peux tout à fait essayer d'imaginer autre chose. Mais en même temps, voilà, c'est du Delta Green. Donc la finalité de Delta Green, c'est vous verrez bien. Bon, Fab, il le sait un peu. Oui, pardon, excuse-moi. En parlant d'une troisième séance possible, j'étais en train de regarder le mois de juin. A priori, il n'y aurait que le 12 juin, on pourrait être dispo. Sachant que c'est déjà une grosse semaine pour nous, Aki. Ouais. Le 12 juin, qu'est-ce que je fais moi le 12 juin Ou sinon, ce serait le 27, un samedi. Je fais le 12 juin, je regarde. Je crois que j'ai rien. Le 12 juin, je ne travaille pas. C'est parfait. Et en plus, le samedi, je ne travaille pas non plus. Bah attends, je vais voir pour qui, parce que comme dit. Non, mais je dis juste après. Et le 27, je ne travaille pas le 28. Donc après, je sais pas ce que je fais. A priori, je serai du matin. Après, je travaille le 27. C'est vrai que le lundi et le mercredi, tu ne fais que cast à qui. Donc après, c'est à toi de. Ouais, bah, je pense que ça peut jouer. Ouais, si je fais que cast, je serais un peu moins fatigué que si j'avais joué. Du coup, ça fera 5 lives dans la semaine. C'est ça. Ouais. Ça veut juste dire que je ferai zéro montage dans la semaine, quoi. Bon. Moi, je 12 juin, c'est la fin okay, de la semaine. Pour le temps. Je suis plutôt chaud. Moi, 2 juin, ça me va aussi. Bon, bah, vous c'est bon. Vous, c'est bon, alors. Après, voilà, si vous êtes dispo, je suis chaud. Bah, après, ouais, c'est bon. Moi, c'est collé dans l'agenda. Bon. Puis ça fait 2 semaines à chaque fois, ça fait des quarts de 2 semaines, c'est régulier, c'est bon. C'est régulier, voilà. Et ça se passe toutes les 2 semaines. Mais, ouais, non, c'est... Je l'ai mis sur l'agenda dessous la montagne, comme ça, juste à le copier. Ouais. Ouais. L'agenda sur la montagne. En tout cas, du coup, je profite de l'instant. Alors, là, c'est peut-être tard pour ceux qu'il y en a qui sont déjà partis chez toi, mais pour ceux de chez vous, je tiens à m'excuser par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Bon, mais je l'ai fait sur le Discord, mais là, je le fais en live. Parce que voilà. Par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 semaines, donc j'ai complètement chié dans la colle au niveau de la prise en charge de. Discord, ce qui a flingué littéralement le live de Haki. Et voilà, comme j'ai pas l'habitude du multistream, c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'ai plutôt l'habitude de gérer mes lives tout seul et du coup bah, je suis un peu parti là-dedans en mode automatique. Et étant donné que c'est la première fois que je fais mon scénario tout seul, que c'est un truc à moi, bah, j'étais un peu en mode voilà, les œillères, il faut que ça roule, un peu stressé aussi. Et du coup, j'ai pas du tout réfléchi à m'arrêter, pas une seconde. Donc, je tiens quand même à m'excuser. Voilà. Il s'est réparé, j'ai même réussi à mettre l'épisode 1 avant qu'on joue ce soir, publié sur YouTube. Ouais, mais j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tout monté et tout en plus. J'aurais récupéré le lien et je fais un petit post. Ouais. Du coup, voilà, donc voilà. Mes excuses, désolé. Voilà. Marc, moi je te pardonne Gossette, mais uniquement si tu offres des biscuits au chocolat. Attends, j'en ai gris. Bah après, ils vont devoir traverser l'Atlantique. Ouais, là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, mais en tout cas c'était cool. Franchement, c'est très sympa. Ouais. Je trouve que c'est bonne, très bonne idée de scénar. GG à toi, parce que c'est pas facile les scénarios enquête. Merci. Donc, merci. Après, je pense que si ça intéresse les gens, quand le one shot sera terminé, quand le scénar sera terminé, j'essaierai de voir pour peut-être partager mon scénario avec les gens s'ils veulent le refaire un jour. Bon, après, je vous dis, hein, il y a énormément de choses qui sont improvisées aussi. Normal. J'ai une ligne, j'ai du texte posé, mais après, voilà, je compose aussi avec ce que font les joueurs. Tu peux effectivement mettre à disposition, dire le groupe, c'est quoi, les méchants, c'est qui, comment est-ce qu'ils s'organisent, etc. C'est ça. Je sais pas si c'est écrit à l'avance ou si tu le fais au fur et à mesure aussi. En l'occurrence, l'implication de Pichon, mais c'est des trucs que tu peux après mettre sur une mind map en disant bah, lui, son rôle, c'est ça, il aide à faire ça, etc. Et après, les gens, ils déroulent l'histoire comme ils veulent. C'est juste qu'ils ont vraiment une directrice en arrière-plan. Mais après, clairement, voilà, si les gens, après, il y en a certains qui veulent, je pourrais tout à fait le mettre à disposition. Et puis, s'il y en a qui veulent le jouer, ben, libre à eux. Nice, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. De partager. Et d'ailleurs, moi je voulais féliciter pour les 1000 abonnés. Hein, ah, merci, ah oui. merci. Bravo, bravo. Voilà. Merci. Et fêter mes 300 tout le monde aussi. Ah oui, c'est vrai, parce que je regardais là, la dernière fois que j'ai vu, c'était 299. Je me suis dit, il est où le 300? 301. Et ben, il est arrivé ce soir. Ah, génial. Et ben, GG à toi aussi. Bravo, bravo. GG à toi aussi. Voilà. Je vais y arriver aux 1000. Hein, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais oui, non, c'est vrai que ça fait plaisir, 1000 personnes. C'est sûr que les derniers, c'est les plus longs, c'est en fait. Tu regardes, ouais. Tous les jours. C'est quand j'ai fait chier tout le monde avec ça. Et bon, quand c'est arrivé, là, c'est... Oh, surtout qu'après, parce que ça, c'est un peu l'anecdote, c'est que YouTube ne gère pas les 1001, 1002, 1003, 1004, ouais, donc là, et ça reste toujours à 1000, c'est figé et ça avance que de 10 en 10. Oui. Ah, oui, c'est tu dis 10 en 10 maintenant. Ben oui, alors du coup, 10 en 10, on sent à partir. Non, c'est 10 en 10. En fait, ah, tu vois 1000, ça fait 1,010K. Et en fait, tu vois pas. En fait, tu vois pas quand t'as des gens, tu dis je suis resté à 1000. Ça n'avance plus, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si, ça avance. Tu le vois que quand tu vas dans le studio, ouais, ou je sais pas quoi, enfin dans le... Non. Tu le vois pas avant. Et moi, j'étais en train de dire, mais c'est pas possible, pourquoi? Pourquoi tant de haine? Mais voilà, tout va bien, ça continue à avancer. Mais non, ça fait super plaisir. Bon, après, on discute déjà un petit peu, d'essayer de faire un petit event... Bah avec vous, enfin avec vous, hein, parce que tous les quatre en parlaient, avec Grenadine aussi, pour faire un petit event pour les 1000 abonnés, ce qui serait très bien. D'ailleurs, si les gens, il y en a qui ont des idées, c'est bien aussi. Enfin voilà. Elle live justement. Bah, moi, par contre, je vais pas traîner parce que je me lève à 5h30. Enfin, même à 5h. Donc, on va éviter. Ouais. Mais voilà, en tout cas, bah, je suis. Tout ça, alors. Ouais, on va couper. Et puis, bah, merci à tous. Merci. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Ouais. Merci aux viewers. Dans les souterrains de Paris. Ah oui, vous allez voir. La montagne de Paris. Couillon. Bonne nuit, Marc. Et ben, bonne nuit à tous. Bonne nuit à chez toi aussi, hein, les gens de chez toi. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à chez moi et aussi. Data Reaper. Et Oxide. Et du coup, chez moi, on se retrouve demain soir pour du Chronique Oubliée Fantasy du SGU masterisé par Wameu demain. Voilà. Et sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura du Warhammer mardi et possiblement mercredi ou jeudi, un petit McNolan. Voilà, je vais partir à la chasse aux zombies. Ah. Le Warhammer, ce sera sûrement le climax du pouvoir derrière le trône. Voilà. Et personne n'a rempli mon tableau, il va falloir que je m'y recolle ce week-end. Ils sont feignants, ces garçons. Ouais. Bah, il y a eu zéro réaction sur le chat, je suis un peu déçu. Voilà. Ok. Sinon, tant pis. Voilà. Et bien. Donc, bah, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Ciao. Salut, ciao.